Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, oui, bonjour. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Elle est autrice et comédienne. Après avoir débuté sur Golden Moustache, elle a lancé le programme court Cher Journal, avant d'enchaîner sur Ce sera peut-être mieux après, où elle imagine des interviews sur un sujet précis, mais depuis le futur. Une série plutôt optimiste parce qu'elle imagine qu'on aura un futur, c'est déjà pas mal. C'est Anna Apter. Ouais. Bah, merci. Mais t'avais même commencé avant Golden avec, avec Laura. Oui. Anna et Laura. Oui, vous avez c'est vrai. Vidéos. Oui, oui, oui, c'est vrai. Mais merci de ne pas avoir écorché, ça sera peut-être mieux après, parce que tout le monde se trompe. Ah, ils mettent des peut-être. C'était mieux avant, ça sera peut-être mieux dans un jour. Ça, c'est le clan Zemmour. Comédien, scénariste et réalisateur, il a sorti il y a pas longtemps un album, L'Horizon des événements. Il a le podcast Un bon moment avec Navo qui revient bientôt d'ailleurs. J'espère, vous avez, oui, bien sûr. Vous avez des émissions de prête. On a fait une petite pause, ouais. Voilà, c'est ça. Il jouera son spectacle Une bonne soirée dans plusieurs zéniths début d'année prochaine. Le Man est une star. Mais c'est au théâtre qu'on peut le retrouver en ce moment pour 1h22 avant la fin avec Jonathan Lambert. Il a interprété Ludo dans Le Discours, Dupré dans Au revoir là-haut ou encore Félicien dans Bref. Et oui, le héros de Bref s'appelle Félicien, exclu Floodcast. En hommage à Félicien du Loft. Bien sûr, la Coucoum Mania. Mais comment sait-on qu'il s'appelle Félicien? Moi, j'étais pas au courant. Non, hein. Bah, c'est une exclue, je me permets. Ah, ouais, écoute, là, voilà, je la livre. Je aussi. T'ai pas demandé avant, mais ça te dérange. Non, mais ça me dérange pas, ça me dérange pas. C'est okay. Aussi le prénom de Monsieur Poulpe, on peut le lire, on balance tout. On peut le dire. Cinéma, seul en scène, radio et théâtre, où il partage l'affiche avec Kian Kojandi pour 1h22 avant la fin. Télévision également, car il sera bientôt dans Le Flambeau sur Canal+. Notre invité est connu pour l'impressionnant panel de personnages qu'il a interprété. Je vous cite pêle-mêle mes préférés, Monsieur Pringles le winner, Damien Bézet le romantique, Bob Marshall le producteur, Rémi le primeur, toujours blagueur mais avant tout primeur, Jean-Guy Badiane, l'animateur ambianceur drôle comme un toboggan, André Maire, Louis de Salière d'Acier, Maître Vojica, un shiver sont encore Kim Jong-un, et oui, j'adore Kim Jong-un, désolé les woke, c'est Rodolphe Jonathan Lambert. Merci. Il va pas partout et marche pas au soda. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur, oui. Toutes les petits bars, tous je les l'ai. Petits coins, et la scène et ses ponts qui brillent. Dans sa caisse, la musique à Méniel, c'est un excellent sax qu'il envoie. C'est Adrien Méniel. Merci, je l'ai eu rapidement. Alors, c'est Joe le taxi. Joe le taxi, ouais, ça ne s'adresse pas qu'aux millennials, cette émission. Trop c'est vrai. T'inquiète pas. Il y a des imitations de Chirac qui peuvent partir. Très bonne ambiance. On cite Galantu. C'est tolérant. C'est très ouvert. Donc pour commencer, une petite question. Un service qui existait depuis 89 ans va disparaître là cet été, à votre avis quoi? La sécurité sociale avec Macron sûrement. Oh, oh, oh, oh, non mais d'accord. Oh, ouais, oui d'accord. Oh, c'est plantu. Je vois où j'ai mis les pieds, d'accord. Donc on est très très ok. Je suis plantu. Désolé les puissants. La souris elle a rongé les... Attachez vos ceintures les puissants. Alors ce n'est pas ça Adrien. Ok. Depuis 99 ans. C'est un truc ça, ça doit être lié à l'écrit non? Les pneumatiques. Alors pas à l'écrit. Pas les pneumatiques. Depuis 89 ans. Voilà ça existe depuis 89 ans. Et c'est un service public? Je ne saurais pas. J'allais dire le bottin. Non ça existe. C'est pas le bottin. Mais ça va pas, ça va pas. On s'approche tout doucement. On s'approche tout doucement. Ah attends le, un truc, la bottine alors. L'horloge parlante. Très bonne. Oh là là là là, il est fort. Il est fort. Ah, non, il est fort. Il est très très il fort. Le pire, c'est que j'ai vraiment lu cette info hier et je complètement. L'horloge parlante va disparaître le 1er juillet prochain, a annoncé l'opérateur Orange ce mercredi 4 mai. Premier système automatisé du monde, au monde, pardon, du genre, destiné à donner l'heure légale en France. Elle a vu le jour en 1900. L'heure légale. L'heure légale. C'est fou que ça existe toujours. Bah oui, je sais même pas. Moi, je suis à l'heure illégale, mais je suis un bad boy. Donc oui, mais c'est ça. Quelle heure il est, Adrien? 8h du mat. Oh là là là, c'est illégal. On veut en des clous. Donc là, bon. Et Macron, et l'horloge parlante. Tu vas te calmer. Là, je suis taré aujourd'hui. C'est ça. Dans le même esprit. Ça fait un petit. Dis-moi. Un petit pincement au cœur quand même, non? Je sais pas. On s'en branle un peu, mais en même temps. Non, mais je me souviens de la voix qui disait au quatrième top ou au troisième top, il sera. Il y avait un truc dans le genre. C'était ça, c'est au quatrième top. Mais du coup, c'était quoi? C'est un numéro que t'appelais? Oui, qui était très cher. Non, mais c'est vrai, qui était un numéro surtaxé à l'époque. Et je crois qu'il y avait une vanne, je sais plus, un mec qui avait appelé depuis l'étranger l'horloge parlante pour. Enfin, un mec lui devait de l'argent, je sais pas quoi. Il avait fait tout un truc pour le faire payer. Il avait décroché de chez lui, il avait appelé depuis l'étranger, je sais pas quoi. Et ça avait. il avait laissé décrocher pendant genre 3 semaines. Effectivement. Mais, ça avait coûté une tonne. Mais on peut l'appeler peut-être pour lui dire au revoir si vous voulez. Ah, il n'y a aucun problème. Hein. C'est-à-dire que bon, c'est une voix. Ah, bah j'ai pas internet. Et bah c'est réglé. C'est mais très mauvais appel. T'as besoin d'internet pour l'enlever. Je sais pas, la 4G. Pour la 4G. C'est quoi le nom? C'est bon, je l'ai. C'est bon. D'ailleurs, c'était une femme ou un homme la voix? Alors, je reviens plus. Les paris, ça veut dire un homme, moi. Ah, je crois. Ah ouais? Moi j'ai l'impression au 4ème top. 1000 balles, mais après voilà. Allez, 1000 balles. Allez, on va tester. Moi je pense qu'on est. Okay. Ah oui, d'accord. Ils ont un peu d'avance. Et ben, ciao l'horloge parlante. C'est déjà, elle est partie plus tôt. Salut mon pote. Je fais le deuxième numéro. Après le bip sonore, le service sera facturé 2,80€. On va se cotiser. Oh la vache. C'est presque le prix d'une montre. La prochaine fois, achetez une montre, bande de cons. Samedi 7 mai, l'ancêtre de Siri, c'est un homme. Ah. Il sera 16h. Ou une femme marron. C'est vrai. Je crois qu'il est en train de niège. 38 secondes. L'heure exacte en France, touche 1. Dans les départements et territoires d'outre-mer, touche 2. Tu viens de la dire, c'est trop tard. C'est gentil, 2 minutes 24, 2,24€. C'était quand même un double service parce qu'il donne également la date. C'était quand même très très luxe. Et à l'époque, les vraies horloges ne la donnaient pas. Truc qui disparaît toujours, un collectif a réussi à obtenir de la ville de Grenoble le retour d'un matériel urbain qui avait disparu. Est-ce que c'est le collectif métissé ou rien à voir? Rien à voir avec le collectif métissé. Un matériel urbain. Ah ouais, pas un skatepark. Téléphonique. Très bonne réponse, Dana Pierre. On fait un pas en avant, un pas en arrière dans cette société, ouais, j'ai l'impression. C'est une spéciale téléphone, hein, quand même, l'émission. Alors, je t'ai pas dit. C'est que des questions autour de la téléphonie. Hein, ouais. T'as des bonnes le anecdotes Nokia de téléphone. Podcast. Une petite anecdote de téléphone chacun, c'est tout ce que je vous demande. Non, c'est une première mondiale, dites-vous. Parce que la France numéro 1, voilà, on a du pétrole, on a des idées. Mais est-ce que c'est une cabine à l'ancienne ou est-ce qu'elle a des petits trucs un peu nouveaux? Genre la 4G peut-être. Non, mais... non, écoute, ils disent que c'est une première mondiale. Vendredi 25 mars, une cabine téléphonique fonctionnelle a été réinstallée à Grenoble en Isère. Alors elle est bricolée à base de bois et de métal. Elle a été inaugurée dans un parc sous les yeux de nombreux curieux. Nombreux. Mais aussi ceux des membres de l'observatoire. Curieux, jusqu'à, curieux. Ouais. Curieux donc, jusqu'à ce qu'ils apprennent que c'est une cabine téléphonique. Après, on s'en branle, du coup. Mais aussi sous les yeux des membres de l'Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques. Alors, c'est très précis. Hein. C'était vraiment... Et c'est vraiment un classique. Ils ont fait genre le combiné pu et tout. Il y a un mec qui pisse dedans. Des mecs qui se bloquent dedans. Il y a le bottin avec des pages arrachées, ouais. Bien sûr. Tout est parti d'un article publié dans le journal local Le Postillon. Bon, tout est dégueu. Qui évoque la remise en service des cabines téléphoniques. Nous voulons lutter contre la numérisation de nos vies, de notre société. Aujourd'hui, nous revendiquons le droit de vivre sans smartphone, sans être constamment... Oh mon Dieu, qui a acheté une canette. Il a acheté une canette. Regarde la culture autour de la technologie. Il a niqué mes pims. Oh, je fais plantu en attendant. Oh. La petite souris, elle a fait tomber la canette. Oh, la Marianne, elle va plus boire. C'est super bien dessiné en plus. En tout cas, pour remettre ceci, ça a permis de susciter l'attention de plus en plus de monde, se dit l'association. Certains se trouvaient dans l'incompréhension, mais beaucoup ont encouragé notre démarche. Une nouvelle étape vendredi 25 mars, effectivement, en installant cette machine. Est-ce que vous êtes moi, je suis pour. Hein. Toi, tu es pour. Ah, j'adore. Je trouve que la cabine, enfin, moi, j'ai un peu vécu ça. J'ai grandi avec les cabines. J'ai grandi dans une cabine. Non, mais je sais pas. Je trouve que cette espèce de petite maison en ville là, c'était hyper rassurant. Il y avait quand il pleuvait, tu te mettais dans une cabine, par exemple. Parfois, c'est vrai que tu passais le bottin, tu faisais des blagues. Et puis il y avait des numéros qui étaient gratuits depuis les cabines à l'époque. Ah, tu pouvais harceler. Les pas, gens pas l'horloge parlante. Non, l'horloge parlante était déjà très très chère. Donc je suis très très pour le retour de la cabine bon, et du pervers qui était parfois dans la cabine. Bien sûr, évidemment. Moi qu'on qui embrasse. Me faisais souvent péter la gueule dans mon quartier, ouais. Il suffisait de mettre le pied dans le coin de la porte pour qu'elle ne s'ouvre plus. C'est et vrai. Tu pouvais résister à des truands. C'est vrai. Vraiment, trois personnes ne pouvaient pas l'ouvrir avec juste c'est un vrai. Pied. Et ça te sauvait, mais en plein cagnard, tu terminais quoi. Tu prenais feu au bout d'une heure et demie, malheureusement. J'ai retrouvé mes cartes. Ouais, j'étais chez ma mère. Et ben, mon pote va à Grenoble. Non, mais je me suis dit, on s'était dit, ça dans le futur, bien ça va sûr, coûter une blinde. Ouais. J'ai retrouvé 350 cartes, il n'y en a pas une qui vaut un bal. Mais comme tous les objets, on s'est dit, ça, dans 20-30 ans, ça va coûter, ça ne coûte jamais ça rien. Ça ne coûte jamais. Sauf les cartes Pokémon, ça j'ai été surpris. Ouais, ça coûte de la thune. Il m'a regardé, mais je suis pas. Mais parce que t'es un pur geek. Je n'ai rien à foutre des cartes Pokémon, hein, je préfère préciser. Et le pins parlant, il y a eu un. Le retour du pins parlant. Ouais, non, il n'y a toujours pas. On l'attend. Les gens parlent les pins normaux, attention. Attention, idée de merge Floodcast. Pas mal. Pins parlant, on imite Chirac par exemple. J'avoue, c'est une très bonne idée. Aïe, attention là. Mais c'est sûr qu'il y a eu le pins parlant du bébé de show. Ça, c'est obligatoire. Il y en a eu plus 15, je pense. Ouais, sur tous les personnes. Chaque perso. Mais il y avait tous les trucs de TF1, là. Il y avait Foucault, Rizzoli, tout ça et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est oui, vrai, oui. Bien sûr. Putain, ça s'achète sur Vinted. Je suis sûr que ça se retrouve, ça. Vais, là. Mais vous, est-ce que vous êtes des. Donc, j'attends déjà un petit peu la réponse, mais est-ce que vous êtes des espèces de nostalgiques un petit peu de certains objets? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Kian, toi, t'as ça un peu? Ma femme m'a fait un gros cadeau. Elle m'a offert une chambre des années 90. C'est-à-dire? Bah, c'est une chambre entière avec que tous les objets des années 90 que j'avais. Une chambre totale, des trucs vraiment. D'époque, que des d'époque. Tout est d'époque. La télé est d'époque. Un poster, ouais. Un poster d'Hélène? Enfin, on a pas même rythme de vie quand même. C'est mon cadeau de mariage. C'est un beau cadeau de mariage. C'est très beau. C'est très beau. Et en fait, même les papiers peints sont d'époque. Exactement. Et tout. Ah ouais. Tout est d'époque. Pardon, je pas de. Non, je t'en prie. Je regarde des pins parlants. Vas-y, vas-y. Non, mais il y a tous mes chevaliers de Zodiac que j'avais déjà. Mais bon, c'est tout ce que j'avais avant. J'adore avoir les chevaliers de Zodiac, j'en ai plein. Et ben là, elle a tout mis dans une chambre et voilà. Et du coup, tu t'habites différemment quand tu rentres dans ta chambre? Je fais putain, je suis dans ma chambre, la merde. Est-ce qu'il y a des télécassettes avec les bandes de Chavannes noircies par exemple? Est-ce que d'un coup, t'as la même tête que dans la vidéo de Lina qui a été publiée hier? Aïe, je l'ai vu passer, ouais. Alors, beaucoup de questions sont tombées autour de ça. C'est-à-dire que Lina partage des fois des. Il demande pas, c'est on est d'accord. Non, il demande pas, c'est des taquins. Ils voient que ça marche sur YouTube, on va le mettre sur Instagram aussi. En fait, ils mettent des fois des vieilles vidéos de gens connus, tu vois, parce qu'ils ont des têtes différentes, un peu rigolotes. Et donc, Kian a été là. Bon, une victime de Lina, je pense qu'on peut dire. Moi, je suis victime, clairement. Une victime. Oui, au début. J'ai pris ça comme un canular. Ah oui. Il est content. Il se réjouit. Eh ben, génial. Il est le mal incarné. Ce jeune étudiant. Putain, c'est ouf. Là, je pensais qu'il demandait quand même. C'est un épi ou c'est une coupe? Non, c'est une coupe de cheveux. Okay, c'est totalement voulu, structuré. Je sais pas si t'as vu, Jonathan. Attends. clairement Olivier Tom. J'aurais pensé qu'il demandait quand même. Tu vois, je suis assez surpris qu'il demande pas. Ils sont contents. Ouais. Je crois que j'ai vu ça fait le buzz. Une story. Oui, je connais bien les termes du web. Ça fait le buzz. Je te le dis. On voit clairement les salles se remplir en tout cas. Il y a un gros impact sur les élites. Dans la vidéo, ils te font quand même de la promo après. C'est pas juste ta gueule. C'est super sympa. Non, mais la vidéo est sympa. Non, ouais. C'est sympa. C'est toujours les gens. Par contre, il y a toujours des gens qui trouvent ça marrant de me faire des blagues sur mes cheveux. En me disant que je mérite le fait que j'ai perdu mes cheveux parce que je me coiffais mal. Ah oui, d'accord. Du coup, je trouve ça sympa. Ouais, mais les gens sont cool. Les gens sur internet, c'est que ça. Très cool. C'est que ça. Alors qu'avec des bonnes cabines téléphoniques, on n'avait pas ce problème-là. Dans ta chambre des années 90, est-ce que t'as un pins parlant qui dit salut, c'est Alexandre de Banne? Parce que si tu l'as pas, ça te coûtera 6 euros, mon pote. T'as 6 euros. Ouais, donc, c'est une valeur refuge. Les gens. Une sorte de NFT, un petit peu. Il y en a même à 25 balles. Il y en a qui coûtent 25 balles, les pins parlants. Putain. La vache. Toi, Anna, est-ce que t'es quelqu'un d'un peu nostalgique des objets, oui. Des trucs comme ça? Après, comme je suis très jeune, je suis plus vieille que toi en plus. J'aime bien les affiches d'époque. Ah. Ouais, c'est pas. Mais de films. De ouais, pubs, de films. J'ai une vieille affiche. Une affiche de chez Total. Mais non, j'ai une vieille affiche de Vol au-dessus d'un nid de coucou aux années 70 chez moi que je trouve très belle, et une aussi de Thelma et Louise, parce que j'ai des goûts éclectiques. Je viens de taper ma tête contre le micro sans faire exprès. Mais non, désolé pour les misophones. C'est pas entendu. Toi, Adrien, toi, t'es pas trop dans la nostalgie. Bah, si, moi. Objet collector à fond, toi. Pas tant, non. Les instruments, les petits trucs. Ouais, mais c'est pas nostalgique. Les instruments, c'est des trucs que j'utilise, c'est pas juste. Mais en déco, par contre, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup l'esthétique. Quand même, peut-être pour Jonathan. En fait, Adrien est un des Daft Punk. Oui, voilà. Oui, pardon, c'est vrai. Je le ressens un petit peu. Voilà, c'est toi qui l'utilise instrument. Non, moi, j'adore l'esthétique de la vieille technologie, en fait. Les vieux ordinateurs, les trucs comme ça. Ou les vieux jeux électroniques et tout. Ah. Mais est-ce que vous avez connu Vectrex? Oui. J'en ai pas eu un, mais parce que moi j'ai évidemment connu la première Atari avec la ronce de noyer en façade. Mais moi aussi, mon pauvre. Qu'est-ce que c'est? Ah, bien sûr, oui. Mais oui, l'Atari 2600. Je connais pas. Bah, celle date de, je crois, de 80, je dirais, okay. 83. Ouais, un truc comme moi ça. J'avais la Mattel Intellivision qui était la version loser de l'Atari. Exactement. J'avais ça. Exactement. Et j'ai le Sinclair ZX80 qui appartenait à mon père, qui est en déco et tout. J'adore l'esthétique de ton père qui est mort, c'est ça, qui hein. Est décédé, ouais. C'est ça, à l'instar de ma mère. Les deux. Voilà. Non, mais maintenant, c'est placé. Voilà. Voilà, c'est dit. Voilà, je l'attends, Adrien, je l'attends. Voilà, maintenant, c'est bon, c'est fait. Et toi, toi, tu pourrais racheter un Atari, non, c'est pas un truc. Je suis pas. Alors moi, je suis pas du tout en fait nostalgique, non, pas du tout. Je sais, autant la cabine, ça me fait marrer dans le paysage urbain d'avoir des trucs comme ça ou une réédition d'une vieille bagnole à voir, mais oui, oui. À posséder. Je suis pas du. D'ailleurs, je j'ai envie d'avoir le moins de choses possible. Ah, je m'assèche. Je comprends. Non mais c'est vrai, j'en ai plus rien à foutre. Pardon, excuse-moi, Anna, tu veux dire. Vas-y. Ça marche pas. Je pense que je suis nostalgique de trucs que j'ai même pas connus. C'est-à-dire que j'aime l'esthétique. Je trouve que c'était plus beau avant. Par exemple, le mobilier urbain, les trucs comme ça. Et je me dis, je suis un vieux con, ça y est. Mais non, mais c'est un truc qui est de plein de générations. Le film de Minuit à Paris, de Woody Allen, il parle que de ça. C'est-à-dire, à chaque fois, la génération d'avant préfère la génération d'avant. Woody Allen n'a jamais fait d'erreur de jugement en plus. Mais c'est un truc qui est souvent chez les gens, tu vois. De pas... Mais moi, j'ai ça un peu avec la musique, par exemple. Oui, mais j'ai pas beaucoup de musiques qui sont de ma génération qui me plaisent, alors que celles d'avant, qu'est-ce qu'il y a. Non, mais. Cela dit, c'est normal aussi, c'est parce que les trucs qui restent maintenant, c'est le meilleur de des années passées en fait. Donc forcément, il y avait sans doute des trucs, il y avait mille trucs affreux comme à l'époque, comme il y en a maintenant. C'est juste que maintenant, on retient que les trucs bien, quoi. Donc on se dit, à l'époque c'était comme ça. Par exemple, sans Horloge parlante, est-ce que Woody Allen aurait pu faire Minuit à Paris? Non, sûrement pas. D'ailleurs, le film parle beaucoup de ça. Il dit, merci l'Horloge parlante quand même. Kian? Non, mais je. Je suis affligé. Il y a aussi le truc du. Les souvenirs de l'enfance forgent les. Tu vois, c'est comme la musique de notre adolescence. On était tellement. On a eu un rush de drogue à ce moment-là. Oui. Genre, Nirvana, c'était un truc de ouf que quand on entend la musique des jeunes d'aujourd'hui, on se dit, on n'a pas le même effet, on n'a pas la même substance dans le cerveau, donc on ne comprend pas. Mais. je suis retombé sur. Je voulais juste partager cette nostalgie. Je suis tombé sur une carte. J'ai des cartes des Kratos. Je ne peux quand je la regarde, je sens le. Bah tu vois, on en parlait. C'était l'air frais de ma cour de récréation. Je sens plein de choses autour de ça. Parce que frais avec Kratos, c'est une association. Non, mais pas évident. Je sens vraiment les particules un de truc. Merde. Non mais je sens une sorte d'époque. J'ai 7 ans et boum, je vous renvoie tout de suite petit avec les copains. Je vois tout. C'est bizarre. Putain, moi ça m'a toujours dégoûté. Je suis né juste après, je crois, moi. Du coup, les crados, je trouvais juste ça dégueu. Horrible. Je comprends, mais c'est l'objet en fait. Oui, c'est comme, j'ai l'album d'Olivier Tom, tu vois, l'album Panini. Je sais pas si ça parle à certains, mais. Mais ça, c'est pour moi, ça me renvoie vers un moment où j'ai. C'était la quiétude. Et du coup, est-ce que tu les gardes comme. Les reliques ou Non, je les garde, bien sûr, je garde. Ouais. J'adore. Ouais. Ça me renvoie. Mes vieilles cartes de basket, c'était pas les. J'avais pas les cartes. Ouais. Ou pareil, hein, c'est un. Bah oui, c'est la nostalgie, c'est T'as ça. La collection McDonald's des Upper Deck Non. C'est moi, j'avais genre les Upper Deck normales. J'avais fait la connexion avec mon copain riche, donc il lui achetait beaucoup plus de paquets que moi. Après, je l'ai gardé. Mon copain riche, on dirait un copain riche de gauche. Petite sitcom des années 80. Je sais pas. Mon copain riche. Ouais, alors moi, je suis dégoûté parce que moi, c'était les cartes Pokémon et c'est devenu une valeur marchande qui vaut des milliers d'euros maintenant. J'ai pas jeté un jeu cool. Bah oui, personne joue, les gens les achètent très cher. C'est ça, ouais, parce qu'on joue plus en plus. C'est ça. Non, je crois qu'il y en a encore un peu, mais c'est vraiment devenu un truc genre si t'as telle carte, elle coûte des milliers d'euros. Du coup, moi, je peux même pas avoir mon petit truc de nostalgie. Non, je suis deg. Tu peux. J'ai 2-3 autres trucs. Raquette un mec. Ah, mon pote riche. À Vaux, en Velin, dans le Rhône. Très belle ville. On les salue, bien sûr. Ils nous écoutent. Oui, les Véliciens. Le garagiste Jérôme Loat s'entraîne dur pour devenir le champion du Best of Belleron. Mais à votre avis, c'est quoi le Best of Belleron? Le plus bel aileron. Alors non, Belleron, B-E-L-R-O-N. Est-ce que c'est un rapport Motus. Avec son métier? C'est un rapport avec son métier. Belleron, plutôt, on dit Belleron, c'est un mot peut-être anglais. Qu'on dit Belleron, j'en ai aucune idée. C'est plutôt carrosserie ou mécanique? C'est un bas de caisse. Plutôt carrosserie. Champion de bas de caisse. J'étais pas loin avec l'aileron. Alors, il y a un truc de tuning un peu, non? Non, alors c'est pas du tuning. Est-ce qu'il y a un lien avec la nostalgie, le fait que non, pas du tout, pas du tout. Le téléphone. Pas de téléphone. Je vais vous décevoir. Pas de téléphone dans cette histoire. Le son dans la voiture. Pas le son. Comme dans le truc de striptease. Ouais, exactement. Ça pèse lourd ou c'est. Et le clip de Jim Eddy. Ça peut peser lourd. La solitude. Je suis. Pardon. Non, mais excusez-moi. Je m'inspire trop de vous. Vous êtes Alain Bachung. Excusez-moi. Mais ça peut. Oui, je pense que ça peut. Mes connaissances en mécanique sont catastrophiques, donc je ne saurais. Donc vous c'est dire. Plus lié à la carrosserie, tu dis. Carrosserie. C'est repeindre des bagnoles. C'est pas repeindre des bagnoles. C'est le nombre d'autocollants, le nombre de. Lumière. Non, pas les lumières. Ah, de broyer des bagnoles là. Non, mais ça j'adore ça. Ah ouais. Ça pas magique. Il y a pas un truc avec. Non, pas ça pas magique. Mais tu t'approches. Ah bon? Tu tapes. Alors. Nettoyer des caisses. C'est un accessoire. C'est pas un accessoire. Tout en grand. Tu t'approches, disons en distance. Rétroviseur. Pas le rétroviseur, mais on n'est pas loin. Je peux pas être plus proche. Alors le l'autoradio, pare-brise. L'autoradio, le pare-brise. Nettoyer les pare-brises. Pas nettoyer les pare-brises. Ah le essuie-glace. Non, on est sur le pare-brise. Le nom là, le truc pour le soleil, le pare-soleil. Non, pas le nom dessus, pas le pare-soleil. Un filtre. Est-ce que tu peux redire la question? C'est un concours. Le garagiste du Romelet s'entraîne dur pour devenir le champion du Best of Belleron, et en fait c'est un concours. On casse les pare-brises. Alors non, c'est pas casser les pare-brises. C'est très difficile. Fixer des pare-brises. Non, je vous assure. D'ailleurs, j'étais obligé de le faire pour la accident dans une rivière. Non, j'ai dit casser une vitre. Un jour, j'avais laissé les clés de ma voiture à l'intérieur allumées. Enfin, le moteur allumé, j'ai refermé la portière. Je ne sais pas pourquoi il y avait un fantôme, mais bref, ça s'est refermé. Ouais. Et donc là, tu te retrouves comme un con sur la route où tu gênes tout le monde. Il y a le moteur qui tourne et tu ne peux pas rentrer dans ta propre. Parce que c'est ce qu'on appelle enfermé dehors. Ah oui, c'est ça. Et donc j'étais obligé de casser la vitre de ma propre caisse. Et c'est très, très, très difficile. Donc tout le monde, t'as vu galérer à essayer de la. C'est pas le gars du showbiz. Avec le coude, avec une pierre. Avec une pierre, ouais. J'ai essayé plusieurs fois. Puis la première fois, ça a presque rebondi. J'ai failli me prendre en pleine poire. Non, je vous assure, c'est pas facile. Mais on n'a pas répondu à la question. Non, mais pour rebondir sur ton anecdote, moi, à 18 ans, mes amis m'avaient offert de péter une voiture dans une décharge. Ah, pas mal ça. Voilà. J'avais une rage enfouie. J'avais une haine en moi. Et pas du tout marrant, en fait. Ah, merde. Bah non, mais parce qu'en gros, c'était avec une espèce de barre à mine, tu vois, un espèce de truc un peu. Et en fait, quand tu tapes, ça se coud dans les mains, ça fait mal, ça pète pas bien. Et ouais, les pare-brises étaient très dures à casser. Donc en fait, c'était. Et puis en plus, t'as les lunettes, enfin tout est un peu nul. Moi, je me voyais comme dans Les Guerriers de la Nuit, tu vois. J'arrivais comme dans Street of Rage, je pète tout facilement, quoi. Street Fighter 2 à main nue. Voilà, c'est ça, exactement, en baissant. Donc non, ça ne répond pas à la question, mais on est autour du pare-brise. C'est pas un truc genre, il y a un problème avec la roue et il faut changer le pneu par hasard. Pneu. Je crois que je l'ai pas vu, tu m'as snipé la tête. J'ai pris une balle en pleine gorge. J'ai rien demandé du tout. Qu'est-ce qui se passe pour les gens? C'est la pub Noroto dans laquelle. Oui, je dis pneu. Mais c'est le réalisateur qui m'a dit, tu parles trop vite. Pneu, dis pneu. C'est drôle, le réalisateur t'a dit, tu parles trop vite et d'ailleurs tu fais bref. Mais oui, ça, il m'a dit, les gens sont pas prêts. C'est les enfants de la télé aujourd'hui. Il a dit, tu vois, veux parler vite, t'as qu'à faire un programme court avec un pote à toi. Il a dit ça, le mec. Il m'a dit, allez, rentre chez toi. Bon, bref. Oh putain, répète ça, répète ce mot. Je tiens un truc. Non, on est sur. Dites-vous un concours, donc ce sera un concours de quoi? Mais c'est quoi? Il y a une jauge qui entre mini et maxi. Sur le pare-brise. C'est pas le. Laver un pare-brise peut-être. Non, c'est pas laver un pare-brise. Merde, à la fin. Non, pas les autocollants. Bah, ne le prends pas. Le nombre de pastilles d'assurance. Pas les pastilles d'assurance, mais il veut toutes les années. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un truc pour aller le plus vite possible. Voilà, un petit indice que je vous balance en pleine gueule. Pour aller le. Ah, attends. Un truc. Ah, il faut qu'il soit le plus aérodynamique possible, le mieux lavé possible. C'est mieux tout ce que vous dites, hein, parce que la réponse va vous décevoir. Attends, c'est un rapport avec le pare-brise, on est d'accord? C'est conduire sans pare-brise. Non, c'est un concours. Il pimpe, putain, je comprends. Un concours pour aller le plus vite possible. C'est un garagiste. C'est aérodynamique, réparer un impact. Non. C'est faire quelque chose sur le. Donnez la réponse et vous allez me détester. On est déjà, on pointe du doigt les gens comme ça. On est d'accord. On est déjà sur le pare-brise, c'est trop bête de ça. Il a totalement raison. Est-ce que c'est pas un truc avec les pigeons? D'ailleurs, non, on n'a pas évoqué ça. Non, mais c'est le nombre de moucherons qu'il peut y avoir. On se déguise en pigeon et chier sur le. Il y a des très bonnes réponses. Il y a des trous dans le pare-brise, des mini trous pour laisser passer l'air passer. Pour c'est que... pas l'impact. Non, mais attends, est-ce que le concours. Mais t'es à deux doigts, t'es même à deux ongles. Florent, l'aérodynamisme. Est-ce que c'est faire quelque chose le plus vite possible en rapport avec le pare-brise? Exactement. D'accord. Et c'est lié à l'impact. Bah, réparer. Si l'impact est plus gros qu'une pièce de 2 euros, bah, il faut... bah, c'est changer un pare-brise. Très bonne réponse. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit quand? Bah, il y a un moment, je crois. On va réécouter ça tout de suite. En fait, c'est vraiment la tournée autour du pot, mais J'ai peut-être dit poser un pare-brise. On verra. Non, mais effectivement, de toute façon, t'as quand même dit la bonne réponse. C'est changer un pare-brise. Plus vite. On est sur la vitesse. C'est le championnat du monde du remplacement de pare-brise. Ça doit être trop bien. C'est Carglass qui organise ça. Tu peux répéter le terme? C'est le Best of Belleron. Le Bob, hein, pour les initiés. Championnat du monde de remplacement de pare-brise. Le Best of Belleron réunit chaque année les champions du remplacement de pare-brise. Les as d'une trentaine de pays. C'est mondial, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est pas juste sur. Ah oui, non, c'est international. Et Belleron, c'est pas la ville par hasard? Belleron? C'est pas la ville où ça se passe par hasard? J'en ai aucune idée. Non, mais je crois que c'est la marque en fait, Belleron. Je crois que c'est une marque de pare-brise. Bref, Carglass appartient. Ah oui, c'est ça, exactement, tu vois. Du groupe Belleron auquel Carglass appartient. En fait, c'est le Guinness. C'est un complot. C'est comme quoi. Le Guinness. C'est plutôt un complot judéo-maçonnique. Oui, je crois qu'on est là-dessus. Et ils sont jugés par le respect de plus d'une centaine de critères lors d'une intervention technique pointue, telle que le remplacement de lunettes arrière, de glace latérale et de pare-brise. Et donc là, notre monsieur du Rhin, lui, il est que sur le pare-brise. Donc vous pouvez voir ça sur YouTube, hein. Il y a tout le championnat, vous pouvez voir ça. et on voit les meilleurs de France. Je vais m'inscrire. Mais oui, tu peux. Enfin, abonnez-vous. Je crois qu'il faut être garagiste, mais tu peux. Walter Ortman, on va aux États-Unis des States, hein, je vous le dis tout de suite, détient un record du monde lié au monde du travail. Mais on est très record, tu le sais, on adore ça. À votre avis, lequel? Alors, c'est très large, mais vous pouvez poser un milliard de questions. A priori, c'est pas de changer. Il a un record de mails envoyés. Non, pas un record de mails. C'est lié au monde du bureau, quoi. Exactement, c'est très bureautique, des objets de bureau, des choses trombone, comme ça, genre les trombones. Des types. Alors, c'est pas le bureau, c'est pas les objets de bureau, c'est pas les trombones. Parce que c'est la cafette. Non, pas la cafette. C'est un rapport avec les ordi? Non. Il a jamais fait pause. Les toilettes au bureau? Pas les toilettes. Il a jamais pris de congé? Non, non, non, c'est pas ça, mais tu t'approches. Parce que je vous dis que ça se passe dans un bureau, mais je pense pas que ça va vous aider. Ça pourrait être dans plein d'autres métiers, en vérité. Mais il a le record du monde en ayant travaillé dans un bureau. Dans une chambre froide? Non, non. Il a le record d'heures d'affilée de travail. Ça sort. J'y vais vraiment. T'as dit quoi, Caparin? Il a travaillé le plus grand nombre d'heures d'affilée. Non, mais tu t'approches. Ça prend d'avoir le même taf, non? Oui. C'est le plus vieil employé. Ça se partage autour d'Anna et Adrien, mais c'est ça, c'est la bonne réponse. À 100 ans, Walter Ortman vient d'inscrire son nom dans le livre des records. Ce Brésilien à la santé de fer travaille toujours. Il vient de battre le record du monde de la plus longue carrière dans la même entreprise. Ah voilà. 84 années et 9 jours. Il fait quoi? Il est CM. On a démarré très très tôt. On n'y croyait pas à l'époque. Et il a tenu. Et à force d'obstination. Non, mais écoute, non, ils disent juste que c'est un bureau. Ça dit pas beaucoup. D'accord. Plus. Outre son activité au sein de l'entreprise. Ça doit être un truc horrible. Non, non, écoute. Dénonciateur de réfugiés. Il a gravi les échelons, il prend de plus en plus de responsabilités. Il devient notamment directeur des ventes. Voilà, directeur des ventes. Toujours dans les années 50, il voyage dans tout le monde dans le cadre de son travail. Walter Ortman explique sa longévité, sa fidélité professionnelle exceptionnelle par la discipline à laquelle il s'astreint depuis tant d'années. Et donc là, il va toujours au bureau, si j'ai bien compris. À 100 ans. Là, je crois qu'il part à la retraite. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Voilà, il va se reposer quelques jours. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il attendait justement de. Le record pour mais partir. Je crois que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Bah, surtout une bonne pension de retraite. Peut-être. Pour le coup. Peut-être pas. Bah, là, c'est 16 000 euros par mois, au moins. minimum. Ça me permet de vous poser une question. Est-ce que vous, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez eu souvent besoin de changer? Parce que vous faites tous un peu. Vous avez fait plein de choses dans votre carrière. Kian, par exemple, toi, tu n'as fait qu'une saison de Bref, ouais. Par exemple. J'ai fait qu'une saison de tout. De tout, ouais, voilà, c'est ça. Et tu l'expliques par quoi? Une peur de l'ennui, un truc d'être allé au bout de l'histoire de... Bah, il faut des idées pour continuer. Pour avoir des idées, il faut du temps. Donc, si un jour je fais un deuxième volet de quelque chose, c'est que j'ai eu du temps pour avoir des idées. Je pense que c'est important de ne pas s'essouffler. Voilà. Et puis la diversité de changer, comme tu dis, changer de taf en permanence, c'est ce qui, bah, vous le savez, quoi. Quand t'écris, après tu réalises, t'es dans une autre énergie, quand tu joues dans une autre énergie, là au théâtre c'est une autre énergie, le stand-up c'est une autre énergie, là on passe en réalisation c'est encore une autre énergie, et du coup t'as jamais l'impression de t'épuiser, en fait t'es jamais épuisé, c'est ce que dit Aurel, c'est les vacances, toi je travaille beaucoup mais c'est les vacances dans ma tête, ouais. C'est un peu ça, ouais, donc tu changes de casquette, quoi. Mais il n'y a même pas un truc d'ennui, non? C'est vraiment juste un truc. Je m'ennuie. Non, t'as même pas le temps de t'ennuyer sur un truc. Non, justement, non, c'est ça. De toute façon, je le vois à la fin. Enfin, vous avez peut-être pas ça, vous, mais quand tu fais un truc, t'as envie de faire un autre truc. C'est con, mais ça, j'écris en ce moment, je fais ah putain, j'ai trop envie d'aller faire du stand-up là. Et quand tu fais du stand-up, tu fais j'aimerais trop qu'on allait écrire. Tu vois, il y a un truc un peu de je suis jamais à ma place, c'est bizarre comme. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Jonathan, tu te reconnais dans un truc un peu comme ça? Complètement, ouais. Non, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est de cultiver une sorte de diversité. Mais après, je pense qu'il y a quand même un dénominateur commun. Moi, c'est que ce soit sur scène quand je suis seul, sur scène au théâtre, que ce soit dans des fictions pour la télé ou le cinéma, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse. Ça reste de la comédie. En fait, moi, à partir du moment où c'est pour faire marrer les gens, ou même là, venir dans une émission, à partir du moment où c'est ça l'enjeu, quitte à se planter, bien sûr, mais c'est le seul truc qui m'excite, c'est de me dire, tiens, voilà, alors on a un format, là, c'est plus de la radio, là, c'est plus un truc télé, c'est 26 minutes, machin, et à chaque fois, l'écriture qui va avec, même quand je fais un truc sur le digital, je fais un truc sur l'art contemporain, mais ça m'amuse de l'amener aussi sur un curseur un peu comédie, et à chaque fois, c'est ça qui m'excite, en vérité. Ouais. Toi, Anna, t'es dans un truc un peu comme ça aussi? Moi, j'ai clairement changé de métier. Je faisais autre chose avant. Tu faisais quoi, si c'est j'étais illustratrice et graphiste. D'accord. Elle dirigeait l'Allemagne, t'es pas au courant? j'ai fait des études d'art appliquées. Et j'ai, pour le coup, j'ai tout arrêté pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Enfin, pour essayer de faire ce que je fais aujourd'hui plutôt. Non, tu fais. Non, non, non, tu fais ce que tu fais. Oui, non, ça, c'est très, très fort. Pour essayer. Ouais. Non, mais moi, j'ai très admiratif de ça parce que moi, j'ai eu cette chance de commencer assez jeune, donc j'ai pas eu ce, entre guillemets, ce choix qui est très, très fort et très difficile à faire parce que quand on, à partir du moment où on se dit je vais faire ça, bah, par chance, ça a marché, mais bon, j'ai bossé tout ça, mais je suis très admiratif des gens qui se sont engagés dans une voie et qui, alors qu'il y a une forme d'installation où ils pourraient, enfin presque un confort, se dire je continue, plaque tout, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment ton cas, mais il y a quand même un peu de ça, quoi. Si, j'ai tout plaqué, j'avais un studio de création avec un pote, ça marchait bien, etc., on faisait plein de choses, mais pour le coup, moi, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Déjà à l'époque. Ouais. Ah ouais. Et du coup, en fait, j'avais cette frustration de me dire, mais j'aime bien ce que je fais, mais c'est un plan B et c'est pas. Tu t'étais menti. C'est... Ouais. Non, j'ai accepté, j'ai écouté mes parents, en fait. Et, ah ouais, tu vois, c'est. Ils m'ont dit, fais un vrai métier, après on verra. Ah ok. Bah après, déjà, tu l'as fait. Tu considérais que c'était un vrai métier, c'est déjà pas mal parce que la l'illustration et tout, il y a des parents pour qui c'est un faux métier. Non, mais ils étaient un peu dépités. Ils se sont dit, bon, au moins, il y a des clients. Il y a le mot client dans son métier. Il y a un cabis, quoi. Exactement. Mais Et comment Mais faut voir les storyboards d'Anna. Tu peux les éditer et en faire des BD. Ouais. Le storyboard, pour expliquer, c'est les dessins. Avant de réaliser les trucs, on dessine les plans. Il y a rien à jeter. Tout est parfait. J'ai jamais vu une Anna qui bosse autant. C'est son tournage, son découpage avant de tourner. C'est magnifique ce qu'elle fait. Bah, c'est gentil. Et donc, ça lui a servi forcément. Non, mais ça lui a servi. Mais sois gêné. On va tous beaucoup se complimenter, je tiens à vous le dire. Sincèrement, c'est Ça t'a mis combien de temps pour te dire, allez, vas-y, je change? Parce que j'imagine. Parce que dans le cliché qu'on a, j'ai l'impression, c'est oh, je me suis lavé un matin, je n'en pouvais plus. Ah non. Moi, ça traînait dans ma tête depuis. Mais pendant toutes mes études, en fait, je me disais. J'avais dès le début, là, ouais. Ouais, en fait, je m'étais réinscrite. Je faisais du théâtre quand j'étais petite, mais je m'étais réinscrite à une école de théâtre pendant que je faisais mon école d'art, en me disant, bon, allez, je me remets un pied dans ce que j'ai vraiment envie de faire. Et après, j'ai bossé pendant 6 ans. En me disant tous les jours, oh, c'est pas ça que je veux faire. Quoi. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Donc, et en fait, ça, c'est un jour où je me suis dit, bon, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Donc, et je l'ai fait petit à petit, je l'ai pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que je continuais un petit peu à avoir des commandes, etc. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, j'arrête. Allez, parce que si tu te mets pas à 100% dans un truc, en fait. Et même en te mettant à 100% dans un truc, ça peut. Moi, il s'est passé 3 ans avant que je commence à avoir des opportunités. Il y a eu des nuits de stress de, oh là là, j'aurais tellement dû rester là-bas. Ça, non, jamais. Non, hein, non. C'est bien. Ça, je me suis jamais. J'ai jamais regretté, par contre, des moments de merde. Est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi? Je sais pas. Ouais. Mais le regret, non. Tant mieux. Mais j'espère qu'il ne faudra pas que j'y retourne un jour. C'est mal parti. Mais en tout cas, j'ai ce truc aussi de me dire, bon, bah, au pire, je sais faire ça. Ouais. Tu vois. Ah ouais, c'est rigolo parce que moi, je te rejoins un peu, Jonathan. Moi, j'ai eu la chance aussi de très tôt faire le métier que je fais. Et moi, ma pensée, c'était de dire, mais je ne sais vraiment, et sincèrement, c'est pas rien faire d'autre, en fait. Il n'y a pas une qualité où je me trouve bon, autre que... essayer de faire un peu marrer les gens avec soit de l'écriture, soit du machin. C'est vrai que t'as vraiment pas d'autres qualités. Mais je te jure, non, mais en professionnel, je voyais pas un taf où je pouvais être utile à la société française, en fait. Ouais. Et donc j'ai l'impression que mon cerveau, du coup, s'est un peu mis en mode il faut absolument que je fasse ça parce que je ne sais rien faire d'autre, quoi. Et en plus, moi, je viens de parents où le travail, il faut que ce soit pénible. Donc si c'est pas pénible, c'est pas vraiment du travail. Donc je me suis vraiment cassé la tête pour vite faire ça. Et moi, mes parents m'avaient laissé. Ils étaient plus cool que les tiens parce que moi, ils m'avaient quand même laissé un délai de 2 ans. Attention, parce que mes parents vont écouter. Donc mes parents sont très cool. Les Thénardier, comme tu les appelles en quarantaine. C'est pas ce que t'as dit. Ouais, voilà. Non, mais en tout cas, ils m'ont laissé un délai. Et donc j'avais cette espèce de délai OK, il faut absolument que je donne tout. Mais toi, Jonathan, tu dis que t'as commencé aussi très vite dans un. Bah, j'ai commencé assez vite parce que mes premiers pas, en vérité, j'étais à la fac, mais j'ai décroché un boulot professionnel dans ce milieu parce que c'était l'émission avec Jean-Pierre Coff. Bien sûr. Et j'avais, je crois que j'avais 19 ans à l'époque, donc quand même. D'ailleurs, c'est assez marrant l'histoire parce que je vais faire ce casting. Je n'avais jamais fait de casting de ma vie. Évidemment, Koff, on le voyait à l'époque, on le voyait à l'heure du déjeuner sur Canal, et c'était un personnage qui dépassait sa zone de, on va dire, c'était pas que la cuisine, l'alimentation, c'était un personnage tellement fou. C'était et quand je le regardais dans La Grande Famille à l'heure du déj, s'énerver, on kiffait ça. C'était à l'époque, il y avait 4 chaînes, je sais plus, enfin 6, bon, on en parlait. Et j'entends parler de ce casting et je me dis, tiens, j'ai jamais fait de casting de ma vie. Bah, du coup, je vais y aller. C'était pendant les vacances de Noël. Et puis il y a une sorte de présélection, on me garde avec 5-6 personnes. D'ailleurs, il y avait Laurent Mariotte à l'époque. Ah. Et puis à la fin de la journée, donc ça dure comme ça toute une journée, on me dit bah, on fait repasser des essais, voilà, la chaîne, la prod, Koff, on a tranché, c'est vous. Je dis ah d'accord, très bien. Alors on me dit bah, voilà, on va tourner, c'est du lundi au jeudi, puis les vendredis vous partirez en province pour faire un marché. Je leur dis attendez, mais moi je suis étudiant, hein, je ne peux pas faire ça. Ils me disent pourquoi vous êtes venu. Je dis bah, moi je suis venu pour passer un casting. J'ai jamais fait de casting, je voulais savoir comment ça se passait, pas pour avoir le c'est juste la curiosité de passer un casting. Alors là il me regarde, il me dit bah attendez, mais c'est très compliqué, on a envoyé les autres, on a tous décidé la chaîne machin, et puis réfléchissez, c'est quand même payé tant par émission. J'ai dit pardon, j'ai dit ok, j'arrête les études. Bah oui, ça s'est fait très très vite comme ça, et j'ai arrêté les études et j'ai très bien gagné ma vie pendant 6 mois. Et puis après bah, j'ai commencé à me raccrocher à des boîtes de prod, j'étais assistant de prod à droite à gauche, et voilà, mais j'étais très très heureux. Mais c'est parti un peu effectivement d'un truc accidentel, ce truc-là. Et ton premier taf dans la comédie, est-ce que c'était bah, justement la comédie? Bah, c'est comédie, ouais. C'est comédie, je me souviens, je rencontre Dominique Farrugia, et à l'époque, il me dit écoute, on cherche quelqu'un pour faire les pré-génériques. Donc, c'est une minute face caméra, il faut donner envie aux spectateurs de regarder la grosse émission. Et donc, ça, je m'en souviens très bien. J'écris pour la semaine, donc c'était, bon, on enregistrait 5 petits magnétos de 5 minutes pour être diffusé du lundi au vendredi. J'écris, mais à la sueur de mon front, j'avais l'impression de donner le meilleur de moi-même et tout. Et je me suis retrouvé face à un DM, je me suis dit, s'il me dit, ok, c'est bon, tu fais les pré-génériques, je pense que jamais je pourrais redonner ce que j'ai donné, tellement j'ai été cherché au fond de moi, enfin voilà, j'avais l'impression. Et en même temps, s'il me dit, bon, écoute, c'est pas terrible, on va s'arrêter là, c'est une porte qui s'est entrouverte, qui se refermera définitivement, parce que bon, Farrugia, c'était quand même. Et je tourne les trucs, il me dit, ouais, non, c'est bon, tu fais les pré-génériques. Et puis évidemment, après, c'est la gymnastique de réécrire tous les jours, et ça s'apprend. Mais je me souviens précisément de ce dilemme où je m'étais dit, oh, je sais pas, est-ce que bon, évidemment, je préfère qu'ils me disent ouais, c'est bien, mais est-ce que je vais y arriver, quoi. Ça va être quand même un gros stress. Voilà. Toi, ton premier pas vers la comédie, c'est quoi, Kian? Parce que tu as fait du stand-up, ouais, déjà à l'époque. Bah, j'ai alors en professionnel, tu vas dire. Oui, bah tu peux me dire aussi. Bah, c'est la pub Neuroto, clairement. Est-ce que le but c'était d'être comédien, humoriste? En fait, j'avais aucun but de carrière ou quoi que ce soit. J'adorais Franck Dubosc, regarder ses spectacles et tout. J'adorais l'idée de pouvoir monter sur scène et faire rire. C'est l'idée que j'adorais. Ouais. Mais quand je suis allé au cours Simon, j'ai vraiment. Je suis rentré. J'accompagnais un pote. Il m'a dit bah, passe les essais. Donc je me suis allé m'asseoir dans la salle et j'ai tapé des barres en regardant les autres et tout. Et je me suis dit, j'étais en fac de droit à l'époque, j'ai dit, bah, c'est ça que je veux faire, je veux rigoler, moi. Mon but, c'était de rigoler, c'était pas de dire, on va devenir comédien. Je dis, bah, je vais faire cette formation, parce que ça, c'est ce bonheur de se lever les matins, d'aller rigoler, moi, ça me suffit. Je veux rien d'autre dans la vie, je veux me taper des barres. Et en fait, en faisant marrer les gens aussi, il y a tout l'amour que tu reçois et tout ça, et ça a créé une sorte de. Ouais, de cadavre exquis qui s'est créé petit à petit comme ça, et à un moment donné, je me suis mis à faire du spectacle. Mais je faisais des spectacles depuis que j'ai 5 ans, je monte sur scène avec les instruments de musique, avec des spectacles et tout ça, on faisait ça à l'école de musique. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, mais c'est vraiment vers 23 ans où je me suis dit, putain, ça c'est vraiment ma vie, quoi. Mais j'ai fait quasiment 5 métiers avant de faire ça. J'ai fait de la vente, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait de la manute, j'ai fait plein de choses. Ah ouais. J'ai fait vraiment un peu un prisme énorme de trucs de mes 15 ans à mes 23 ans. J'ai fait du droit, j'étais dans un cabinet d'avocat, j'étais assistant, des trucs comme ça. J'ai fait de la réinsertion sociale, j'ai fait pas mal de trucs très différents. Et tout ça, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux pas faire. Ouais. Donc quand j'ai dit, putain, je veux rigoler, c'était vraiment ça qui je me rappellerai toujours ce moment, je regardais le banc en bois, je me suis dit, ça, je veux rigoler tous les jours, c'est ça que je veux faire. Mais quand tu faisais ces métiers, parce que tu dis, oui, tu faisais de la musique depuis assez jeune, ouais, tout ça. Tu voyais ça quand même déjà, genre plus tard, ou non. Tu disais là je fais ça pour mes parents, pour non? Comme toi, quand tu dis bah, c'est les autres, tu sais, la télé c'est pour les gens qui sont dans la télé, le métier d'acteur c'est pour les acteurs. Moi j'étais là en mode bon bah j'aime bien la musique parce que ma mère écoute du Mozart, donc je fais de la musique, et j'aime bien la musique classique, donc je joue de la musique classique, je fais des orchestres. Mais en fait je trouve ça assez fou de voir que mes parents ne m'ont pas détecté. C'est-à-dire de... je faisais de la musique, j'écrivais, je composais des musiques, j'avais 9 ans, je faisais des trucs, je faisais des spectacles, je faisais des sketchs avec des webcams, j'allais chercher des potes, on faisait des concours de danse dans Reims, on faisait des trucs, j'allais danser dans des Fnac, où il y avait des sols en marbre, tu vois, je faisais toujours que des trucs artistiques. Et mes parents m'ont dit tu vas faire du droit. Et quand je leur dis je vais devenir artiste, ils ont dit comment ça tu vas devenir artiste? Je dis mais c'est sous vos yeux depuis 23 ans quand même. C'est un film avec un très mauvais twist. Oui, c'est ça. Au début vous n'avez pas regardé. Est-ce que c'était pas par sécurité qu'ils voulaient? Mais oui, c'est la même chose que toi quoi. Je suis fils de migrant, donc forcément quand tu viens dans un pays, tu viens pour que ton fils il soit avocat ou médecin, donc forcément t'as pas envie qu'il devienne saltimbanque. Et le banc en bois, il est devenu quoi? Il est toujours là-bas, il fait toujours autant mal au cul. Il se marre là-haut avec Coluche et là-haut. Toi, Adrien, dans tous les métiers que t'as, parce que toi aussi, j'en ai pas eu tant que ça, j'en ai eu que deux. Enfin, je parle de tous les trucs que tu fais. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Est-ce qu'il y en a un qui... Ah, ça c'est toujours la question. Ou est-ce que ça change vrai, un peu Non, c'est ce que tu disais, Kian, quoi. C'est que t'écris, t'es à fond dedans, tu dis oh là là, il y a rien de mieux qu'écrire, puis au bout d'un moment, ça te bouffe le cerveau et du coup tu joues et tu te dis ah c'est quand même trop cool de jouer machin etc. Enfin c'est encore une fois c'est un truc de c'est pas il y en a pas un que je préfère ou alors tu préfères celui que t'es en train de faire sur le moment au moment où t'es en train de kiffer mais comme tu dis à bout d'un moment tu dis ah je ferais bien faire autre chose. Ouais, voilà, c'est, non, mais c'est vrai hein. Mais je pense juste... surtout que ça se nourrit tout ça, c'est ça qui est formidable. Carrément. C'est que tu le disais hier d'ailleurs, mais moi aussi je l'ai senti, ma façon de jouer quand je suis seul en scène a été extrêmement nourrie par le théâtre. Et inversement, je pense qu'on trouve aussi nous, quand on fait du seul en scène, de la comédie, des façons de nourrir aussi notre personnage au théâtre pour l'amener vers plus de comédie. Donc il y a cet échange permanent entre les différentes disciplines, mais qui sont encore une fois très similaires, puisque l'enjeu et le but est le même, c'est la poilade. Tu peux pas, tu peux avec pas, la main comme ça. Avec la main qui vole un peu. La poilade. Tu peux pas mieux comprendre la solitude d'un acteur ou d'une actrice après un coupé, après une prise, si tu l'as pas vécu. Et en tant que réalisateur, ça te donne une empathie de rassurer toujours les gens avec qui ils sont sur le plateau, parce que tu fais un truc, tu te donnes à fond, coupé. Tout le monde est là, genre, ah, attends, la lumière, il faut la refaire et tout, machin, attends, maintenant le son, machin et tout. Et l'acteur, il est dans un état de vide total. Si tu l'as pas vécu, bah ça te nourrit en tant que réalisateur d'ailleurs en disant, c'était chambé, c'est super, je reviens vers toi, on fait juste un truc, je reviens. Ouais. Et en fait, ça te connecte complètement, donc ça te nourrit forcément. Oui, c'est vrai, parce que des fois, il y a justement des réals qui ont pas ce truc-là. Et donc, du coup, tu fais ta scène et il y a zéro retour. Soit c'était à chier, soit c'était bien, soit c'était génial, mais j'en sais rien. Oui, soit on n'a pas le temps, soit j'ai été excellent. Voilà. Mais est-ce que dans vos influences, c'était pas aussi un peu des gens touche à tout? Toi, Anna, par exemple, tes influences en écriture ou dans ce que t'essayes de faire, ça peut être aussi peut-être dans la littérature d'ailleurs, c'est pas forcément des gens. Des influences touche à tout? Comment ça, je sais pas. Non, mais est-ce que t'as des influences? J'en ai plein. Mais je pense que justement, même si je l'ai fait entre guillemets par défaut, cette école d'art, j'aimais dessiner, donc je me suis dit, je vais faire un truc artistique où je peux avoir un métier derrière. Et en fait, je pense que tout ce que j'ai appris là-bas, toutes mes influences visuelles, etc., elles me nourrissent aujourd'hui dans mon écriture, dans ce que j'ai envie de réaliser, etc. Et du coup, c'est aussi bien des photographes, des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices, des illustrateurs. Des posters dans la chambre. Des posters dans la chambre. Non, mais par exemple, tu vois, le truc des posters que je disais tout à l'heure, en fait... C'est con, mais j'aime le fait qu'il soit d'époque. Enfin, ça va être le détail que personne ne voit. C'est-à-dire que tu peux acheter la même affiche sur Amazon, personne ne verra la différence. Mais le fait que il y ait la pliure, papier, tu sais, qui date des années 70, c'est ce genre de détail qui... Ça sent le CDI. C'est ça. Ça y est, on a le titre, je crois. Ça, le titre de l'épisode, ça sent le CDI, c'est pas mal. Je sais pas si c'est un rapport avec la question. Non, mais c'est intéressant. Ça a tout un rapport. Il n'y a pas un énorme conducteur non plus. T'inquiète, hein, tout va bien. Sans transition aucune à Shanghai, alors que les règles pour se protéger du Covid sont très strictes. J'ai vu ça, c'est horrible en ce moment. Les règles sont très strictes, mais il y a un homme qui s'est réveillé dans un endroit plutôt insolite. Et je vous demande réveillé chez Patrick Beau. Oh, c'est vrai que c'est insolite chez Patrick Beau. Non, un truc un peu moins insolite quand même. Ah, d'accord, moins insolite. Il s'est réveillé dans un endroit un peu chelou. Mais il s'était endormi où, chez lui? Il s'était endormi chez lui. Dans ses propres fesses. Non, non, non. Tu vois, j'avais l'image. C'est insolite. C'est insolite. Voilà. T'as des charges, c'est extrêmement insolite. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais donc il s'est endormi en ayant le Covid, j'imagine, et il s'est réveillé. Oui, tout okay. à fait. Ah, à fait. C'est-à-dire qu'il était victime du Covid, il s'est ils sont venus le chercher, ils l'ont ramené. Non, il dormait. Il a été transporté. Alors pas en prison. Dans un camp. Pas dans un camp, pas dans en prison. Une tente. Non. Dans un sac. Non, alors tu sais dans un sac. Alors, un sac coronaire, un sac mortuaire, un non. Alors dans alors horrible. L'ambiance. Un tiroir de mort. Ah bah la mort, oui, la frigide. Le frigide. Non, mais il va mourir. On annonce l'heure de la mort. Mais c'est ça, c'était un vieux l'horloge parlante. On va vraiment savoir quelle heure il est. Putain, ça coûte 3 balles. Oui, c'est un monsieur qui s'est endormi chez lui, qui avait le Covid. Et qui s'est hélas réveillé un matin et qui était dans le sac mortuaire. Mais attends. Pardon, mais ça veut dire que tu t'endors chez toi tranquille. Il y a des mecs qui rentrent chez toi pendant que tu dors et qui prennent ton pouls et qui font lui, il est mort. Défoncer le gars. Non, mais c'est fou, oui. Pour ne pas se réveiller. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font des patrouilles chez les gens? Non, écoute. C'est faux, Florent, tu peux le dire. Allez, non, je pense que là-bas, dès lors que tu es covidé, ça rentre dans un registre, tout le monde. Tout le monde peut rentrer chez toi, décréter que t'es mort. Non, enfin, parce qu'il était dans une maison de retraite. C'est totalement mérité. Il cherche les problèmes, le gars. Le prétendu. Me dis pas que c'est le Brésilien de tout à l'heure. Ils attendent beaucoup autour de la. C'est lui qui a réparé les pare-brises aussi. Je vais au boulot demain, arrêtez. Il s'est plantu là par contre. Oh, la souris. Le prétendu défunt était résident d'une maison de retraite, donc qui était aussi hospitalière, enfin voilà, une maison de retraite où il y a aussi des infirmiers. Et son décès a été déclaré à tort. Le gouvernement local a depuis confirmé l'incident et a mis 5 personnes à pied, tout de même, dont le directeur de la maison de retraite. Les employés des services funéraires, eux, ont eu droit à une prime de 5000 yuan, environ 718 euros, en guise de récompense par l'entreprise de pompes funèbres. Attends, ils ont été récompensés par l'entreprise de pompes funèbres, ouais. Ah, parce qu'ils ont détecté qu'il était pas mort, c'est ça? C'est eux qui ont vu qu'il était mort. Ils ont vu que le sac bougeait, donc après. Un sac qui bouge. C'est un talent. Bougez pas, j'ai fait médecine. J'ai 15 ans de métier. Ça, c'est qu'il est pas mort. Quand il y a un mouvement. Et alors, sachez. J'aurais pu moi. Quelle horreur. Moi, je suis stagiaire, j'aurais jamais deviné qu'il était vivant. C'est pour ça que c'est le meilleur d'entre nous. Et ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Le fait qu'il respire, il y a un docu Netflix. Mais alors sachez que la même semaine, le même truc est arrivé, mais effectivement au Pérou, tout simplement, puisque une femme a été victime d'un accident de voiture. Et le jour de son enterrement, mais là c'est vraiment, oh non, on croirait que c'est faux. Elle est dans le cercueil, mais c'est inventé. Ça a tapé contre le cercueil. C'était Grégory Guillotin, c'est un prank depuis le début. Non, une cérémonie qui a basculé dans l'irrationnel lorsque plusieurs personnes ont entendu toquer contre la paroi du cercueil. Juan Segundo Cajo, le gardien du cimetière, a fait ouvrir le cercueil. Il explique à nos confrères, elle a ouvert les yeux et transpirait. Je me suis précipité dans mon bureau pour appeler la police. Toujours dans son cercueil, des policiers l'ont emmené en urgence à l'hôpital où elle était placée sous assistance respiratoire. Et elle est morte. Elle est là, décédée. C'est vrai? Oui. Les médecins ont commencé à croire au miracle, mais malheureusement, quelques heures plus tard, son état s'est rapidement dégradé. Elle est décédée. Toutefois, la famille est un peu agacée. Toutefois. Oui, bah oui. Parce nous voulions savoir pourquoi ma nièce a réagi, alors nous étions en train de l'emmener pour l'enterrer. Nous avons des vidéos où l'on voit qu'elle pousse le cercueil. Voilà. Okay. Du coup, ils l'ont incinéré après. Ouais, ils ont dit, poids sûr, voilà, on arrête les conneries. Je pense qu'il y avait moins de gens au deuxième enterrement. Non, bah attends, c'est bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'avait pas de portable, le gars, parce que visiblement, tu as dit, il a couru à son bureau pour prévenir la police. Peut-être ce petit lac qui a été fatal. Voilà, une petite cabine téléphonique juste à côté. Voilà, à côté, évidemment. Est-ce que c'est une expérience plutôt traumatisante? Est-ce que vous avez déjà vécu? Plutôt. Oh bah, deux fois, je me suis réveillé dans un cercueil. Deux fois. Non, mais parce que, bon, alors, ça me tend un peu une perche parce qu'on a autour de la table quelqu'un qui a affronté le destin. Non, mais c'est vrai. Oui, il y a pas longtemps là. Ouais. C'est trop tôt, on te peut. Non, j'ai fait quelques séances de MDR qui m'ont. Ah ouais, vraiment? Ouais. Oui, ah, bah, c'était vraiment. En fait, j'étais à New York. Le MDR, c'est pas dernier. Le Marrakech du Rire. C'est... Je me suis fait quelques replays et ça va mieux. Jamel est venu et puis tout va mieux maintenant. Ça fait plaisir. Jamel, merci. J'ai bouclé Rabat, quelques sketchs, c'est bon, ça va mieux. Le fameux avion là. J'étais à New York il y a un mois et au retour, l'avion, enfin, c'est passé un peu dans les médias, donc peut-être que vous avez vu. L'avion a fait un peu, enfin, a manqué de se crasher. En fait, donc tout est bien qui finit bien. Mais en fait, dans l'avion, moi j'étais avec ma cousine et vraiment, on a eu la sensation qu'on allait mourir, que c'était la fin. Et c'est un peu cette sensation d'avoir vécu le crash sans le crash, c'est-à-dire que t'es pas victime, tu peux pas dire oui, je suis traumatisée. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé dans les, je sais pas, 6-7 minutes où on a vraiment eu la sensation que l'avion était en train de... Enfin, en fait, c'était... j'ai l'habitude des secousses, j'ai pas du tout peur en avion de base, et là, vraiment, c'était autre chose. C'est-à-dire que... comme dans les films catastrophes, comme dans Lost, là, quand l'avion qui se ressemble à Lost. De... Ouais, d'accord, j'ai vraiment eu l'impression que tout bougeait. Enfin, c'est simple, en fait, je me suis soulevée de 20 cm de mon siège, j'étais pas du tout bien attachée. Donc c'est chute libre, quoi, enfin, ça piquait. Ça faisait n'importe quoi, ça faisait comme des montagnes russes. Il y a eu un souci d'essence, c'est ça? Après, en fait, y en a qui payent pour faire des trucs, être en apesanteur comme ça. Donc, quelque part, c'est privilégié pour moi. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train d'atterrir et. Et d'un coup, il y a eu une sensation comme de chute libre et l'avion a repiqué, il a remis les gaz et ça a fait là n'importe quoi, les montagnes russes. Et en fait, on était... Enfin, je me suis soulevée de 25 cm de mon siège et tout qui part en arrière, les chaussures qui partent à l'arrière de l'avion, les gens qui crient, un bébé qui pleure, le mec qui vomit à côté de moi. Et alors, très bizarre, j'ai eu un réflexe de me reculer pour pas qu'il vomisse dessus, alors que clairement j'étais en train de tenir la main de ma cousine. Tu restes coquette face à la... Tu sais que maintenant face à la tragique. Non mais dis, oh, garde ton vomi toi. Non mais c'est à dire que dans ma tête je me disais bon bah là on va s'écraser, mais quand même j'ai pas envie d'être pleine de vomi. Oui, c'est ça. C'est vous, c'est ma fille. Dégueu. Et donc ouais, au final ça s'est bien terminé, mais c'est vrai que tu la conseilles pas? Non, je déconseille assez. Ouais. Mais par contre, pour les gens qui peuvent vivre des trucs comme ça, il y a un truc que je connaissais pas qui s'appelle l'EMDR. C'est une méthode psy qui permet de désensibiliser les traumatismes et très étonnant. Ouais, c'est mécaniquement. On te fait stimuler des trucs du cerveau en bougeant les yeux, en tapotant tes épaules, etc. Génial. Et c'est spécifique à ce type de trauma, dans une sorte d'état d'hypnose. En fait, on te demande de convoquer des souvenirs précis. Donc, en l'occurrence, c'était des trucs le moment où j'attrape la main de ma cousine en me disant bon bah au moins je veux être en contact avec elle jusqu'à l'impact et voilà. Ouais. Ce genre de truc où je ne pouvais pas convoquer le souvenir sans fondre en larmes. Ouais. Là, maintenant, j'arrive à en parler. Voilà, je suis pas en train de pleurer. Mais donc, tu revis le traumatisme. En fait, le traumatisme, il est pas rangé. Il est là. Il est dans ton cerveau actuel. Il est pas, tu sais, dans tes souvenirs. C'est comme le sommeil paradoxal qui permet aussi, enfin, les différents types de sommeil qui permettent de. L'archivage est impossible dans le traumatisme. Mais ce qui est un peu, du coup, ça t'aide à trop. Tu refais le mouvement avec les yeux ou le cerveau, et le fait de refaire le mouvement, ça traite l'information en y pensant. C'est complètement magique. C'est ce que m'a dit ma psy. C'est il faut se réancrer dans la réalité. Et concrètement, mais enfin, très sérieusement, c'est quoi? C'est la compagnie aérienne du coup qui ensuite assure le suivi psychologique? Il n'y a rien eu. Non, j'ai pas envie de rien. C'est quelle compagnie? C'est Air France. Déjà, moi, il n'y avait pas les sous-titres quand j'ai pris l'avion l'autre coup. Ça m'a rendu dingue. Donc, si en plus. Non, mais alors là, je suis fasciné. C'est vrai, il n'y a rien eu. C'était normal, ils ont atterri. Genre, c'est bon, on est arrivé. En fait, on était pour les 10 minutes d'enfant. Non, mais en t'as récupéré tes bagages. J'ai récupéré mes bagages, mais par contre, je pense qu'on était tous très choqués. Moi, j'ai mis du temps à descendre de l'avion parce que j'étais à l'arrière. Et j'ai entendu des hôtesses parler entre elles et dire j'ai cru qu'on allait se crasher, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas, etc. Donc c'était même pour l'équipage, c'était pas normal. Après, il y a eu les enregistrements qui ont fuité du cockpit où on entendait que les mecs parlaient. Hein, j'ai pas entendu ça. On a entendu, en entendant les gens du à l'RTF. D'ailleurs, tu continues d'ailleurs de voir que les pilotes sont quand même à un niveau de sérieux, ce qu'ils font. On descend là. Enfin, tu vois, ils sont vraiment dans un truc très. L'avion est en train de faire n'importe quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais écoute, en tout cas, moi j'ai écrit un mail à Air France pour déjà remercier les pilotes, parce que je savais pas qui c'était la faute, mais peu importe, en fait, le fait est qu'on est en vie. Par contre, je leur ai demandé, est-ce qu'il existe une sorte de truc, enfin, même si je suis... Mais ça coûte une blinde, le MDR, en plus. Ouais. Bah, il se trouve que, de toute façon... Oui, mais par rapport à être vivant, finalement. C'est ça. Non, mais il pourrait au moins te redommager, t'as un trauma, quand même. On est entouré de vrais sages, hein. Non, mais en l'occurrence, ma cousine, qui a plus du tout envie de remonter dans un avion, ce que je peux comprendre... En plus, je sais qu'il existe des stages de désensibilisation pour les gens qui ont très très peur de l'avion et ça coûte 600 balles. Ouais. Du coup, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a ce genre de truc pour... zéro réponse. Ah ouais. Waouh. L'appel est lancé. On vient de devenir l'émission de Julien Courbet. Exactement. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas. On a fait les grosses têtes, les enfants de la télé, et maintenant Courbet. On est bien. On fait un beau panel. Et comment tu te sens maintenant? Là, tu penses à un avion, tu te dis je pourrais reprendre l'avion. Non, là je pense que je vais pas y retourner tout de suite. Oui. Après, je me dis que dans un souci écologique c'est pas plus mal. mais non, là je sens qu'il va me falloir un petit peu de temps. Après, le MDR. C'est pas ouf. C'est cool. Ouais. Et non, mais il y a un truc qui est. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Bah, en fait, je pense que je suis devenue folle. Parce que... T'es dans ton lit. Mais cela dit, moi, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai pas eu de MDR. J'ai eu mon père qui fait, oh, faut conduire tout de suite. Et du coup, ben, j'avais. Mes parents sont divorcés. C'est le MDR bourguignon. C'est le bourguignon. Et en fait, j'avais eu l'accident de voiture avec la voiture de ma mère. Donc en plus, c'était heureusement, nous, on n'avait pas été. Enfin voilà, tout va bien. Il n'y a pas eu de blessés graves, rien. Mais du coup, je conduisais dans la ville de mes parents avec la voiture de mon père pendant que ma mère devait marcher parce que j'avais détruit sa bagnole. Donc je la voyais, je suis en bonjour maman. Ouais, est-ce que tu as eu peur de conduire après? Non, parce que la méthode bourguignonne a fait peut-être moins ses preuves, mais ça a marché. Le fait de conduire le soir même, j'ai eu l'accident à 16h. J'allais pas reprendre l'avion le soir même. Non, ça faisait. Pour les correspondances, tout ça. Mais non, il m'a fait conduire tout de suite et tu vas évidemment mollo. Et aujourd'hui, même, je le sens dans ma conduite que en réalité, les virages, je les prends. Vraiment, je roule à 90 quand c'est à 90. Et quand il y a un virage, je vais faire oula, on passe tout de suite mais à 70. En fait, tu vois, ce qui est hyper. Tu conduis normalement, quoi, du coup. Oui, voilà. Ok, d'accord. Ce qui est hyper particulier avec ce truc de l'avion, c'est qu'en fait, tu peux rien faire. T'as aucun contrôle de rien. C'est long. Voilà, l'accident de voiture, le bon côté, c'est qu'en fait, c'est très rapide. En fait, tu fais 3 tonneaux. Oui, mais c'est toi qui es aux manettes. Tu sais où tu vois le problème. Là, tu sais pas. Nous, franchement, sincèrement. C'est un peu rapide quand même. En fait, pendant les minutes où on s'est dit, ça ressemble quand même à un crash, je pense que c'est comme ça que ça va finir, ton cerveau se switch et se dit, je ne peux rien faire, donc je vais mourir. Ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est le pitch de ta prochaine série. Non, mais après, ce qui est dur, c'est que les. La flashback. Un titre avec plein de parenthèses, par contre, pour les gens, s'il te plaît. On apprend plein de choses. Et en fait. Ça part de ce crash. Écoute, je vais m'y mettre. Je produis. Ok. Non, j'ai lu des commentaires sous les articles qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux sur ce truc de cet avion. Et en fait, je trouve que c'est assez dur de voir à quel point les gens sont là. Ça va, il n'y a plus de crash. Arrêtez de parler. Fait, toi, tu te sens hyper décrédibilisé. Tu te dis, moi j'ai quand même l'impression d'avoir vécu un crash sans le crash. Donc, bien sûr. Mais, pour reprendre mon exemple d'accident de voiture, c'est ça. T'as eu un accident de voiture où il n'y a pas eu de blessés graves, mais t'as quand même eu un accident de voiture. Quoi. C'est quand même quelque chose qui est méga vénère. Je suis pas du tout blessée, mais c'est vrai que psychologiquement, c'était particulier. En gros, t'as le trauma, mais t'as pas le certif. C'est exactement ça. T'as pas le macaron Insta. C'est ça. Je peux pas en parler. Après, l'assertif, en l'occurrence, c'est le décès, donc c'est peut-être c'est pas vrai. Plus mal. Non, mais je préfère gérer ce traumatisme que d'être morte. Des touristes américains ont provoqué la panique dans un aéroport sans le faire exprès. Mais tu sais, c'est extrêmement construit cette émission. À votre avis, comment? Alors, c'est dans l'aéroport, pour le coup, c'est pas dans l'avion, c'est avant de monter à bord. Il y a vraiment eu un mouvement de panique, ça se passe en Israël. Et les touristes américains ont foutu le bordel sans faire exprès. Eux, ils pensaient qu'il y avait zéro problème. Ah oui, ils ont sorti Mein Kampf. Non. Ça a eu une ambiance. Mais tu, mine de rien, alors t'es pas proche, mais on est dans ce genre d'ambiance. C'est un rapport avec la religion. Non, pas la religion. La maladie. Mais avec le fait que avec le pays, par contre. D'accord. L'attentat. Non, mais alors tu t'approches, il y a eu un truc. Un truc sur la sécurité, enfin qui pourrait c'est comme ça, ça ouais. C'est ça, en tout un cas. Un rapport ça avec passé... le conflit israélo-palestinien Oui, enfin le fait que ce soit un conflit. En deux mots. Rappelle en deux mots ce que c'est. En deux mots, pas longtemps. Vite fait. Il se balance des mots. Si possible, une solution. Oui, voilà, une petite solution. Une solution serait pas mal. Non, ça, j'en profite, c'est si vous vous abonnez à Acast Premium, je diffuse la solution du conflit israélo-palestinien. En 5 minutes toutes les semaines. Quand on lancera du merch, ce sera à l'intérieur de l'étiquette. C'est pas gratos. Non, mais ça s'est passé au moment des bagages, ça c'est sûr. Ah bah oui, ils ont pensé que les bagages étaient piégés, j'imagine, mais pour une raison spécifique. Ah oui, très. Parce que le bagage ressemblait à un engin explosif. Il transportait une bonbonne de gaz. Non. Une arme factice. En fait, vous êtes. Il y avait un animal peut-être. On est sur une arme. Mais là où vous prenez un peu ces gens couteau. Plus intelligents pour ce qu'ils sont, c'est que vous pensez que c'est une arme absolument pas létale, mais eux ils ont ramené littéralement un obus qu'ils ont trouvé en promenade. Et ils se sont dit, ah, bah, ça fait un souvenir, donc ils l'ont mis dans leur valise. Un obus. Un obus. Attends. Un petit obus. Un obus de poche. Quoi. Attends, c'est ça. Ils ont trouvé un obus de la guerre actuelle. De la guerre, ouais, du conflit. Alors non, pas actuelle. Une roquette. Ah, non, un truc, un truc un peu plus ancien, parce que c'est un vieil obus hein, des années 70. Okay. Ils l'ont trouvé en se baladant en Israël. Ils l'ont pris dans leur valise en disant, oh, bah, ça fera un souvenir. Problème. Déjà, toujours une très bonne idée de ramasser un obus que tu trouves. Et vraiment grand qu'il faut quand même. Cran ou vraiment stupidité intégrale. Je crois qu'on est sur la 2. Hein. Ouais, bah, je crois qu'on est plutôt sur la 2. Dans l'avion après. Sur la 2 parce qu'en plus c'est un obus qui n'avait jamais explosé. Mmh, délice. Oui mais donc il y avait donc du coup un vrai. Tu vois tu t'en, sors bien toi avec ton avion. Oui, franchement. Elle va se plaindre. Tu peux arrêter de chialer. Oui. Et donc au moment des rayons X, il y a eu un petit moment de. Et donc c'était un obus. Ah, donc c'est au moment de la sécurité qui sont. C'est pas dans l'avion quand même. Non, c'était au moment des passages aux rayons X. Et donc malheureusement il y a eu un mouvement de panique. Mais n'empêche c'est une bonne technique. Si tu veux faire un attentat par exemple, tu mets une arme dans ton truc et tu dis oh je l'ai trouvé sur la plage. Oui, c'est des poseurs de bombes. Ils avaient une bombe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un sac à dos, je l'ai trouvé, pas ouvert. Bah oui, ils avaient l'excuse des enfants parce qu'apparemment c'est le petit qui a trouvé. Oui. Et non, bon bref, il y a eu malheureusement un mouvement de panique qui a fait un blessé dans le mouvement de foule. D'accord. Parce que la sécurité a paniqué quoi. Enfin, elle a pas de trait. Alors il y a un obus, donc peut-être on va la mettre de côté. Des logiciels, je savais pas. En fait, l'écran, c'est des logiciels qui détectent les formes. Vous saviez ça? C'est pas. Non. C'est pas le gars qui dit ça, c'est un obus ça. Il y a vraiment des logiciels qui. Mais alors, il sert à quoi le gars derrière qui fait genre. Il dit ah bah tiens, le logiciel a dit qu'il y avait un truc. Okay. Non, mais déjà, l'irresponsabilité des parents de laisser leur enfant ramasser un obus sur la plage, déjà, on est. C'est sur le plateau du Golan. C'est mythique. Golan, je pense. Et ouais, cette zone annexée par Israël a été le théâtre d'intenses combats entre l'État hébreu et la Syrie lors des guerres de 67 à 73. Et donc voilà, il y avait un obus de cette époque-là qui est resté ici et qui a été ramené. Ils l'ont remis au même endroit dans la rue où il c'est à sa place, ok. Les députés canadiens ont décidé de modifier le code criminel. À votre avis, pour quelle raison? C'est-à-dire qu'ils avaient un code, un truc de loi, un texte de loi. Est-ce que c'est un délit qui n'a plus cours? Alors non, justement, c'est un délit qui pourrait avoir lieu, qui n'était pas reconnu comme exactement, un délit, et pas dans le texte. Est-ce que c'est par rapport aux nouvelles technologies? Du coup, c'est nouveau? Non. Alors, est-ce que c'est les fameuses piqûres dans les boîtes de nuit? Non. Truc horrible. Est-ce que c'est ramasser un obus sur la plage? Non, c'est pas ça. T'as un rapport avec le Covid ou pas? Pas du tout. Pas de rapport avec le Covid, mais par rapport au fait. Enfin, vers d'autres zones, disons. Ça peut couvrir d'autres zones. Zones. C'est un peu large, ce que je dis. Ouais. J'ai l'impression que c'est un dermato qui parle. J'ai pas du tout compris cette phrase. D'autres zones. En gros. Le voyage, c'est un rapport au voyage. Les frontières, ça va au-delà des frontières canadiennes. Ça vient au-delà des frontières canadiennes. T'as pas le droit de ramener un migrant ou un truc comme ça? Non. Alors c'est pas un truc de. Ramener un migrant, t'as dit? Oui, c'est ça. Mais d'aider un migrant. Je vais trouver dans la rue, écoutez. Non, mais t'as pas le droit de ramener quelqu'un dans le pays en disant, tu vois, en l'aidant, tu vois, t'as pas le droit. Alors, dans l'enfance. Comme le mec là, le français, j'ai oublié son nom. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est pas ça, mais dites-vous que c'est pas une loi précise en fait. C'est juste qu'ils ont ouvert. C'est pas par rapport aux frontières. C'est un peu plus large. L'espace. Ah ouais, l'espace, c'est ça. Thomas Pesquet. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'amener un corps étranger, je veux dire, qui viendrait hors de. Enfin, non. Alors, bah, c'est pas loin d'être ça. C'est qu'en gros, ce qui a changé dans le code criminel, c'est que tous les crimes qui ont lieu au Canada, si les Canadiens le font dans l'espace, ça compte aussi. Avant, ça ne comptait pas. C'est-à-dire que si pour une exemple, donc un astronaute canadien qui partirait sur la et qui poignarde des gens dans l'espace, s'il redescend, les Canadiens font malheureusement ne peut rien faire, c'est dans l'espace. Ça concerne quand même très peu de personnes là, a priori. Mais est-ce que c'était c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi dans l'ISS, enfin la loi je pense qu'il y avait peut-être un truc moral qui s'était dit, genre on suit pas dans l'ISS pour les autres pays, peut-être. C'est logique. Peut-être que les autres pays avaient prévu ça et qu'il y a juste les Canadiens qui ont fait non, j'avais posé la question en vrai. Bah voilà, bah donc c'est ça, et du coup ils ont changé ce truc là. Maintenant tu ne peux pas commettre de crime dans l'espace si tu es canadien. Désolé les Canadiens. Mais est-ce qu'il y a un truc qui a motivé ce changement de. Genre est-ce qu'il s'est passé un truc dans l'espace? Ils ont dit bon bah là faut qu'on. Prévu le coup quoi. Ils se sont dit au cas où. Non mais je me dis peut-être vu que les Américains ont fait Space Force ou tout comme ça, ils se sont dit peut-être qu'il faut. Je sais pas, j'en sais rien. Ou alors ils viennent d'envoyer un mec dans l'espace et ils disent. Mais il est taré, faut qu'on. Il a tué quelqu'un, je le sens pas. La loi vite fait là. Je le sens pas du tout, le mec. Ça a peut-être un rapport avec le film de Villeneuve aussi, comme ça se passe, ils sont en train de prévoir. Ah vraiment. Oui, mais il y a Tom Cruise aussi, je crois, qu'il doit faire un film. Ah bah voilà, dans je cherche pas plus loin. C'est clairement Tom Cruise. Il va faire une dinguerie. Chers invités, j'ai prévenu les auditeurs que vous étiez invités, et donc ils ont des questions à vous poser. Voilà, ils sont permis de vous poser plein de questions. À chacun d'entre vous autour de la table. Kian, par exemple, tu as sorti un album en novembre dernier. Comment t'es venu l'idée et quel bilan tu tires de ce projet? L'idée, bah, j'ai toujours écrit de la musique. Je me suis pas décidé d'écrire de la musique. C'est un truc que j'avais envie de faire. J'avais envie de tourner une page dans ma vie. Je l'ai fait sur pas mal de choses. C'était un peu un ancien moi dans cet album. Il y a pas mal de moments de, un peu délicats, de souffrances, de relations passées, de choses comme ça. Le bilan est exceptionnellement bon. Parce ouais, très bien reçu. Ouais, hyper bien reçu. Tu stressais, moi qui te connais un petit peu. De ma boule, j'avais peur. Il y a le côté chanson sérieuse alors que t'es un mec marrant. Ouais, voilà, peut c'est être ça. Le truc ouais. Et ben en fait, ça a été super bien reçu. Les clips ont été méga bien accueillis. J'ai eu vraiment des gens qui me suivent qui sont vraiment gens. Enfin, je vais dire bienveillants, mais dans le sens, ils ont aimé quoi. Il y a eu un vrai engagement d'amour en tout cas sur les textes. Je reçois beaucoup de messages encore aujourd'hui de gens qui me disent qu'ils l'écoutent, qu'ils le découvrent, même dans le monde. Ce qui est cool, c'est avec le stream, tu peux vraiment l'écouter partout. Et sincèrement, le fait d'avoir écrit m'a fait beaucoup de bien. Le fait d'avoir sorti, publié, genre accouché une sorte de bébé, ça m'a permis d'aujourd'hui de vivre une vie mais totalement dégagée de mes anciens démons. Ça m'a sorti les démons et j'encourage tout le monde à créer, à écrire, à faire des choses parce que c'est vraiment le bilan que j'ai de cet album. Ça va mieux. Et tu le referais ça? Tu t'es dit ah bah du coup c'est en tout cas un truc artistique ouais, dans lequel je peux retourner. Grave et j'ai envie de faire des chansons même beaucoup plus dansantes et plus chantées, de me faire encore cool. plus confiance, d'avancer dans des. Encore une fois c'est faire des choses que j'ai pas encore faites donc c'est. Voilà. Est-ce que tu vas aller jouer? Enfin est-ce que tu vas faire des concerts? Pour cet album là non pas okay. C'est pas prévu pour le moment mais s'il y a des choses un peu plus dansantes et plus bougeantes et tout ça me ferait bien kiffer de partager ça avec les gens. C'est rigolo que tu dis ça parce que c'était une des questions. Ah. C'est anal, c'est permis de poser sur la question. mais qui disait que vu que tu fais des zéniths avec ton spectacle, quelqu'un se demandait est-ce qu'on aura la chance peut-être d'entendre une ou deux chansons. C'est pas prévu pour le Non, parce que je mélange pas les projets. C'est intéressant. Je trouve que les gens qui viennent me voir en one man, ils viennent me voir en one man. Ouais. Et s'ils viennent me voir en musique, parce que la communauté est bien plus petite en musique, ils me découvrent. J'y vais petit à petit en fait. Je dis voilà, je sors un premier album. Bah, écoute, si la rencontre se fait, c'est cool. Et puis j'en sors un deuxième. Mais en fait, je l'ai toujours fait pour moi. Pour le coup, j'ai toujours fait pour moi. D'accord. J'ai pas cherché à jouer le chanteur ou quoi que ce soit. Et ça m'a fait bien. T'as toujours été super cool. Tu m'as vachement. Ouais, tu as bossé longtemps. Moi, je l'avais écouté les premiers trucs. Ouais, j'ai bossé. Longtemps. Ouais, ouais. Donc, c'était cool. Donc le bilan est génial et vraiment. Vraiment, j'ai pu tourner la page. Vraiment, je vous le dis, c'est fou. C'est psychologique. Donc, c'est comme le MDR. C'est ce que j'allais dire, sauf que tu gagnes la thune. Mais pareil, Air France n'a pas donné un centime. C'est scandaleux. Que dalle. Agendas n'a pas. un peu musique toujours, c'est une question pour Jonathan Lambert. Quelqu'un voulait connaître l'origine story et comment s'est fait la connexion avec le club des losers pour la chanson Baisse les gens. Parce que c'est vrai que tu. Oui. Mais pas que sur la chanson Baisse des gens, parce que c'est dans le club des 7 aussi où tu fais l'intro. Oui, une petite intro mignonne, très bien. Sympathique. En fait, Fuzzati est venu me voir à l'époque, c'était sur Comédie. Et il m'a raconté comme ça, il m'a dit voilà, je connaissais pas ce qu'il faisait, hein, c'était quand même c'était niche. Il m'a dit, et puis voilà, je veux faire un sample de ce personnage, j'adore. Et puis je le voyais avec son masque un peu vénitien blanc et sa couronne de galette des rois. Donc cette espèce de chipitude dans le look qui était entre loose, assumé. Enfin, je trouvais ça tellement drôle. Et puis les paroles. Bon, j'ai dit ouais, ok, donc il m'a juste samplé un baiser, puis j'ai écouté et je trouvais qu'il y avait vraiment un talent, une originalité dans l'écriture avec quelque chose de à la fois très drôle, très désespéré et désespérant, mais toujours pour nourrir justement. Enfin, j'ai fait écouter à mes enfants le Club des 7, on l'écoute en boucle parce que c'est très très marrant, quoi. Ouais, c'est génial. Et voilà, c'est donc culte, en fait, c'est lui qui est venu me voir et j'ai trouvé le personnage éminemment smart. J'ai trouvé que musicalement, c'était aussi parce que il trouve des sons quand même très très. Il cherche beaucoup dans les vinyles, les vieux vinyles, les trucs qui maintenant il compose aussi. Voilà. Mais à l'époque, il cherchait vraiment des vieux sons. Il travaille avec R aussi pour avoir le son un peu. Ouais. C'est avec R. Oui, c'est l'école de Versailles. Hein, ils viennent tous. C'est vrai, ils viennent de Versailles. Donc je crois qu'il me semble produire. Et j'ai été le voir en concert. Moi, il vient voir mes spectacles, on est resté en contact. Il est venu voir la pièce ? Non, c'est d'accord, vrai. D'accord, parce que j'aurais adoré l'entendre. Ah bah ouais, bah je vais lui proposer. J'ai carrément, ouais, tiens, si en sortant, je le fais. Et j'avais fait notamment une sorte de happening à l'un de ses concerts où j'avais fait donc le sample de Baiser sur le disque, mais je l'ai fait en live. En Damien Baiser. Et il y avait donc une petite Versaillaise assise sur un fauteuil avec un serre-tête. Enfin, en fait, on illustrait toutes les paroles de la chanson et c'était. Tellement drôle, tellement génial, et d'arriver. Ça, pour moi, c'est le meilleur Baiser que j'ai fait, c'est à son concert. Anna, d'où t'es venue l'idée de c'est peut-être mieux après? Ah, tu vois, là, tu l'as écorché. Ah merde! Ah, bah, non, mais c'est classique. Bah, là, c'est l'auditeur. C'est l'auditeur qui l'a. Ah ouais! Bah, j'ai des questions! Bah, j'ai des questions! J'ai des questions et il s'appelle Christophe et c'est un sale con. Non, non, non, je. Pardon, c'est mon père. D'où est venue l'idée? En fait, je faisais Cher Journal que Kian produisait et j'avais fait des petites vidéos, mais à l'époque du confinement sur Insta où un truc un petit peu anachronique où j'étais genre une sorte de comme une sorte de fausse archive de Lina où je parlais des années 2020, etc. Bon, la connexion avec Kian s'est fait comme ça, parce que toi t'es oui, l'archive, mais moi les riches des géris. En fait, j'ai vu la vidéo de Kian, ça m'a donné l'idée, je me suis dit, bah, ce sera peut-être mieux après. Non, et puis ensuite, c'est Canal qui m'a dit, ah, mais ça serait bien d'essayer de développer, enfin, c'est Canal et toi, Kian, ouais, c'est ça. De développer en parallèle un deuxième truc sur ça, sur cette idée de fausses archives du futur, entre guillemets. Et après, je me suis dit, bah, ça serait marrant de se projeter dans plusieurs futurs, parce que je crois que c'est. Qu'est-ce qu'on a fait de. Ah non, je vais aussi dans le passé. Parfois, on va en 1957, etc. Et jusqu'à 2021. Ouais. Et d'imaginer sur des thématiques, tu vois, qu'est-ce qui peut se dire dans 20 ans, 100 ans, 400 ans, etc. Et puis après, bah, l'idée, roule, oui, ouais, voilà, c'est en faisant on a fait un pilote et puis on s'est dit, bon, ça, c'est marrant. Mmh. Et du coup, on s'est dit, bon, bah. Enfin, c'est eux qui m'ont dit, bon, bah, go pour une vingtaine d'épisodes. Et c'est dispo sur Insta et YouTube, c'est ça? Ouais, et sur My Canal. Canal. Non, alors, c'est dispo sur My Canal. C'est dispo sur Insta en collaboration, Canal et moi. Ouais. Et sur leur chaîne YouTube, trop Canal bien. Plus. Ouais. Trop bien. Et il y a quelques nouveaux épisodes qui vont sortir là, pendant le Festival génial. De Cannes. Ouais. Ah, en rapport avec le... En fait, j'avais fait ils m'avaient commandé des épisodes spéciaux sur le cinéma et il se trouve que ça va être diffusé pendant Cannes. Ah, trop bien. Donc, c'est cool. Question pour Kian, je te trouve plutôt serein malgré les doses que tu prends dans Hot Ones. Ouais. C'est vrai, comment tu t'es préparé pour cette émission? Alors pour expliquer, les gens l'ont sûrement vu, vas-y, mais vas-y. Tu fais la version française de Hot Ones, donc la célèbre émission où tu fais une interview en mangeant des sauces de plus en plus épicées. Plus la sauce est épicée, plus la question est un peu personnelle. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu le but de l'interview. Tu peux te permettre des questions personnelles parce que le piment défonce, en fait. C'est ça, en donc fait. Donc, tu ouais. peux te permettre de déstabiliser un peu le... Mais bienveillant, mais est-ce que ça fait un peu le même effet que l'alcool? Ça fatigue, ça fait comme un gros joint. Okay. Ah ouais? Genre ça... Oh, ça moi, après les émissions, je dors 2 heures, généralement. Et tu chies 2 heures. je dors au chiot. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais est-ce que tu te prépares? Parce qu'en plus, vous faites... Comment, tu fais plusieurs émissions par jour? Je fais 2 émissions par jour. Ah, mais rien que ça, c'est fou, quand même. Alors, j'ai les sauces depuis longtemps, okay. depuis septembre, et j'adore manger épicé à la base. Attention, je mange épicé souvent. Je mange beaucoup de harissa, beaucoup de sauces épicées au piment. J'ai eu les sauces en amont. Le vrai truc, c'est que la différence des invités, c'est que je ne suis pas surpris de la piquance. Oui, tu te prépares. Les invités sont vraiment genre waouh, waouh. Et en fait, tu sens qu'ils sont tellement dans un mood de promotion de leur travail qu'ils n'arrivent plus à contrôler leur personnage public. Et c'est ça qui est drôle, en fait. C'est qu'ils perdent, ils perdent pied. Et c'est le concept. J'ai vraiment vu avec Jonathan Cohen, qui était la première émission, parce que je disais, bon, le concept est marrant et tout, mais quand je l'ai vécu et j'ai vu Jonathan complètement souffrir. Qui adore perdre le contrôle, Jonathan. Bah, un mec qui adore perdre le contrôle. Je l'ai vu complètement, la douleur, le faire sortir de son personnage ouais. qu'on a l'habitude de voir. Je me dis, ah ouais, le concept est balèze parce que ça marche. Et, ouais. Et du coup, mais ça rend donc un peu... en fait, parce que je suis tes stories, ouais. Adrien, je m'étais dit, bah, il faut trop qu'Adrien fasse cette émission. Mais en fait, ouais. tu serais le pire candidat parce que t'es trop habitué. Non, pas Adrien du tout, mange mais pas en fait, piquant, lui. Moi, j'aime bien quand c'est relevé et tout, mais j'aime pas du tout m'exploser la gueule. Donc, okay. je suis pas sûr. Tu pourrais sûr que... être surpris par ah oui, un complètement. Truc. Moi, j'adore les sauces de manière générale et tout. J'en fais même. Mais j'aime bien quand c'est piquant, mais pas des trucs. Là, il y en a même. Enfin, moi, je comprends même pas quoi. Ouais. Da bombe. D'ailleurs, c'est même moi qui suis habitué, je ne m'habituerai jamais. C'est genre ça m'arrache la gueule. Mais comment tu fais quand tu fais 2 émissions à la suite? Bah, si je m'arrache la gueule, mais j'ai un conducteur, j'ai travaillé des questions et je suis concentré, mais je rigole, je passe un bon moment avec les gens. Et puis j'ai pas la surprise. C'est une autre émission, bon moment. Non mais j'ai pas la surprise. Les invités ont la surprise. Moi je la connais la sauce. Je connais les faits. Je fais bon, je sais exactement ce qui se passe. C'est comme serrer des abdos un petit peu. Oui c'est ça. Tu prépares ta bouche. Voilà c'est ça. Mais par exemple par rapport à un apéricube paprika, c'est sur quel légèrement relevé. D'accord. Okay. Ça va tourner d'autres là. Il y en a d'autres. Là on vient en tournée avec Isia et Jérôme Commandeur et elles sont chambées les émissions. Chambées. C'est les deux prochains là. C'est les deux prochains. Emmanuel Valls pour. Jonathan. Mais je souffre. Je voulais savoir, je souffre. Mais tu fais Poker Face un peu? Bah ouais, je fais Poker celui Face. Celui avec Poulpe, tu t'es moins Poker Face. Non, mais là, celui avec Jérôme Commandeur, je mange des doses. Ouais. Ce qui te trahit un peu, c'est que des fois, il y a le petit regard équipe. Genre, les gars, on sent qu'il y a un petit regard. Je suis pas bien. Mais c'est kiffant. Vraiment, c'est kiffant. Ouais. C'est un plaisir de la faire, cette émission. Et je m'attendais pas à ce que le concept soit aussi efficace. Pour Jonathan, je suis un très grand fan de Monsieur Pringles. D'où t'es venu l'inspiration de ce personnage? Alors, il faut bien dire Pringle et non pas Pringles. Ah, sinon bah, tu peux attaquer. Bah, exactement. D'accord. Non, c'est marrant, ils avaient envoyé tout un carton. Alors, je sais pas quel groupe, c'est un géant agroalimentaire à l'époque à Canal, en disant on aime bien ce personnage qui ressemble particulièrement à notre égérie, mais ça serait bien qu'il change de nom. Passif agressif. Voilà. Ouais, passif agressif. Mais ils avaient envoyé un des Pringles. Ouais. Et une tête de cheval mort aussi. Dans la boîte. Mais dès le départ, j'avais fait en sorte qu'il n'y avait pas de S pour pas. Oui. Voilà. Effectivement, il n'y avait rien à voir avec ça, si ce n'est que le personnage a une moustache. Oui, c'est ça. Qui revient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, les gens m'arrêtent en me disant ah, je me souviens de vous, c'était l'époque de Pringles. C'est la seule fois où je porte une moustache. Mais d'où ça m'est venu? Alors. Je sais, en fait, j'étais fasciné par les romans photos. Je trouvais que c'était génial. Et l'idée de faire un roman photo, mais animé, ce qui ne veut rien dire, puisque voilà, le roman photo, ça doit être de la photo. Mais d'avoir des plans comme ça, très très figés, juste une voix off qui raconte l'histoire, avec ce personnage qui était... D'ailleurs, on l'avait assez bien résumé, on m'avait dit c'est la rencontre de Charlie Chaplin et de Michel Houellebecq, en fait. Et c'est vrai que c'est un petit personnage comme ça, de presque de film muet, un peu à l'ancienne, très, très naïf, très souriant, c'était très enfantin. Ouais, c'était, ouais. D'ailleurs, ça plaisait beaucoup aux enfants, qui ne comprenaient pas tout, heureusement. Parce que, mais les enfants aimaient beaucoup, parce qu'il y avait un truc un peu à la Teletubbies, quoi. C'était très, très comme ça, en dehors du temps. Et ça a assez bien vieilli, j'en ai revu, parce qu'il n'y avait pas du tout de référence au contexte politique, sociétal ou quoi, donc c'était assez régressif, et c'était un truc tellement ovniesque que c'est vrai, ça a pas mal marqué les gens. Maintenant, comment ça m'est venu? Voilà, c'est une association de tout ça, j'avais envie de faire un roman photo, j'avais envie que ce soit évidemment débile, trash, et je voulais ce personnage qui soit effectivement une espèce de monsieur tout le monde, donc voilà, le type qu'on voit partout, avec la moustache, la chemise à manches courtes, les lunettes, qu'on verrait dans n'importe quel burlingue, avec toute la tristesse, le quotidien que ça peut comporter, mais dans des situations un peu extraordinaires. Mais l'idée d'en faire, parce que c'est une sorte de sketch show aussi un peu, parce qu'il y avait plein de programmes courts, c'était dans 22 minutes chrono. Mais en fait, le personnage, il est né, il faisait d'abord l'hyper promo dans l'hyper show, qui était ce naufrage qu'on a co-réalisé avec Bédé et moi, mais c'était un des seuls trucs qui marchait dans l'émission, c'était Pringle. Et donc, comme ils avaient déjà acheté plein de magnétos pour la saison au Canal, ils m'ont dit tiens, il n'y aurait pas un truc à faire avec Pringle qui engloberait, qui enverrait tous ces magnétos. Et du coup, effectivement, on a fait ce produit un peu hybride qui était un attelage un peu presque imposé, mais qui fonctionnait. Moi, je me souviens de ça parce qu'il y avait KDO, il y avait Laurent Deutsch, il y avait tous les samedis. Moi, je me souviens très bien et c'était une sorte de petit sketch show hebdo avec plein de trucs, quoi. Ouais. C'était, ça m'avait marqué de ouf. Une question, pardon, pour Kian. Est-ce que tu as beaucoup bossé ta participation à LOL qui ressort? Qui demande ça? Parce que c'est vrai que. Dans l'émission, on sent que t'es quand même un de ceux qui a le plus bossé, quoi. T'avais des cartouches, disons. Je me suis préparé. J'ai bossé avec Freddy Gladieux, toi. Sur la saison 1. Venu. Et Navo. On a bossé pendant. On a fait quoi? On a fait 3 gros calls de 5 heures, à peu près. Je te rappelle, je les ai. Déjà très bien. Je les ai enregistrés d'ailleurs. Ah ouais? J'ai toutes les vannes qu'on les écrit. J'ai peut-être dans les jours, on les sortira. Ouais, peut-être pas tout, mais pas ouais. Pas tout, grave. Pas tout. Non, il y a eu des petites sorties, je les sortirai pas. Un petit coup de montage. Kian Lastasie. Non, mais j'avais dit, j'ai dit, les gars, j'enregistre. Non, méga préparé. Pour moi, il faut être hyper prêt, hyper. Voilà, genre, on prépare avec Arthur Sanigou aussi qui coordonne les blagues dans LOL. Non, toujours préparé. Même à un moment donné, pendant une semaine avant, je m'étais arrêté de rire. Dès que je voyais quelque chose de drôle, j'essayais de pas rire. C'est drôle. En fait, je suis un peu jusqu'au boutiste, quoi. J'aime bien être prêt. C'est pour ça, quand je te parlais et que tu rigolais pas, c'était ça. Non, justement, c'était hyper préparé. Je rentre pas dans. Et j'adorerais revenir dans une saison 3. J'adore. Ouais. J'adore le concept. Je le trouve trop kiffant. C'est trop kiffant à faire. L'émission devient même mieux, je trouve. Enfin, je trouve qu'ils ont compris ce qui marchait moins. Mais il a un blocage, le concept, c'est que la fin ne se. Ouais. Ça ne se termine. Même dans les autres pays ou quoi que ce soit, c'est très dur d'avoir un champion. Oui, c'est ça. Les gens, en fait, quand t'arrives à tenir au moins 4 heures, bah, t'arrives à tenir 6-7 heures. Voilà. En fait. Mais ouais, j'ai l'impression que la saison 2, beaucoup de gens en ont parlé. Ouais. Vraiment, bah ouais, ça a été un vrai. Bah, les gens m'arrêtent dans la rue pour. Il y a des gens qui me découvrent là-dessus. Ah, c'est drôle. Par exemple, qui me disent « Ah, vous êtes pas un humoriste dans LOL ?» C'est moi. Aussi. C'est moi. Non, mais c'est kiffant parce que ça amène d'autres gens et c'est kiffant. C'est vraiment kiffant. Alors, là, cette histoire, elle est pour Jonathan Lambert. Et alors, elle est très particulière parce qu'en fait, elle fait écho à une anecdote à moi. Donc, voilà, j'espère ne pas te gêner en faisant ça. Mais quelqu'un demande à quand le biopic. J'ai deux bites. Alors, il y a eu J'ai deux bites. Il y a la fois où. Est-ce que c'est vrai que vous avez. Non, quelqu'un demande à quand le biopic de Jean-Guy Badiane. Et alors, pourquoi ça a un peu un rapport avec moi? Parce que quand j'avais, je crois que j'avais 13 ans, je pense, 12 ans, j'écoutais Arthur et les Pirates, et donc j'écoutais Jean-Guy Badiane, et j'avais des envies, moi, de cinéma, de trucs comme ça, et quand j'avais 12-13 ans, j'ai écrit un biopic de Jean-Guy Badiane. J'ai écrit un film, alors qui est évidemment nul à chier, parce que j'avais 12 ans, quoi. Ouais, et personnage était nul à chier. En même temps, c'était raccord. Non, mais c'est ça, et qui était très plagié sur déjà les sketchs et sur des personnages à la Bernie, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc comme ça. J'avais écrit que c'était son supermarché fermé et il décidait d'aller attaquer les États-Unis qui avaient fait fermer les supermarchés français, quoi. Ah, voilà, ouais. Et donc il décidait de s'attaquer aux Américains. Et donc voilà, donc c'est drôle que quelqu'un en parle parce que moi j'avais écrit un biopic de Jean-Guy Badiane. Incroyable. Donc voilà. Bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage quand même. Non, mais j'étais ravi parce que tu l'as fait revenir, je crois que c'est dans Perruque. Il était revenu dans un spectacle. Absolument, ouais, c'est vrai. Ça m'avait fait très plaisir. Bah, tout est dans le nom, je trouve que Jean-Guy Badiane, déjà, ça te met une. Tu vois, t'es content, t'as la banane, t'as tout ça. C'est, en même temps, c'est la Badiane. C'est ça. Mais je sais, ouais, comment. J'ai toujours eu. Toujours une certaine admiration pour ces personnages qui sont comme des battleurs, qui sont qui sont tout en façade comme ça dans le toujours le sourire, et j'imagine que plus ils sont comme ça, plus chez eux c'est déprimant, et je trouve ça intéressant cette dualité dans les personnages. Jean-Guy Badiane pétait souvent des câbles, par exemple. Tout le temps. C'était ce qu'on attendait. Hein. C'est ça. Et plus il retenait, plus c'était. Mais c'était, oui, c'était drôle parce que du coup, ça créait une sorte de licence pour être odieux avec les candidats qui étaient des vrais candidats, mais qui le prenaient bien parce qu'évidemment, c'était un personnage. Donc, encore une fois. Et c'est drôle parce que ce personnage, ouais, a beaucoup marqué en radio. Mais oui, de ouf. Ouais. De ouf, parce qu'il revenait tout le temps. Ouais. Et c'est un truc aussi que tu pourrais refaire parce qu'en gros, t'as quand même commencé sur des émissions. Quotidienne, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait une espèce de rendement de blague, que ce soit à la grosse émission ou chez Arthur. Il y avait quand même un truc de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que là, maintenant que tu prends un peu plus ton temps pour les projets, est-ce que tu préfères, ou est-ce que c'était une gymnastique que tu kiffais? Ouais, non, c'était en fait c'est pour ça que moi je me réfugie entre guillemets beaucoup dans les personnages, parce que d'ailleurs, qu'on a un personnage, ça, on a des repères, on a des gimmicks, on a dès lors qu'il est adoubé par le public, parce qu'on sait que ça fonctionne. C'est pour ça qu'à Comédie, j'en jetais beaucoup des personnages. On se souvient de, mais il y en a plein que ça a été des one shot. Mais même chez Arthur, je me souviens, il y avait le cimetière des personnages. Il y avait beaucoup qui s'ajoutaient, finir au cimetière des personnages. Mais ouais, c'est pour ça que dès qu'on en tenait un, parce qu'on avait trouvé sa façon de parler, on imaginait très vite un petit peu son monde, son biotope et tout ça, et sa perruque qui allait avec. Faut quand même savoir que j'étais le seul mec à porter des perruques, même à la radio. J'arrivais en Jean-Guy Badiane, j'avais un costume blanc, des bottines vernies et la perruque. Mais je trouvais que puis c'était chouette pour les candidats qui étaient présents de vivre ce truc-là et d'être vraiment en phase avec en phase de ce personnage. Donc, mais je sais plus. On parlait du fait que je me réfugiais là-dedans parce que c'était plus facile en écriture, parce que et puis c'était très souvent tourné comme des jeux en vérité, que ce soit Damien Béziers, c'était un jeu. C'est la mécanique du jeu, elle est géniale parce qu'elle est imparable. Ça crée forcément une dramaturgie. On sait où ça va, donc une sorte d'entonnoir. Et après il y a plus qu'à mettre des vannes et des conneries pour que ce soit drôle. Mais dans la quotidienne, on est un peu obligé. Enfin, moi, je me sentais obligé d'avoir recours à ça. Je pouvais pas pondre du Woody Allen tous les jours que ce soit sur Comédie ou à la radio, quoi. Une question pour Anna. Est-ce que tu aurais envie de j'adorais Cher Journal d'ailleurs déjà. Merci. Et est-ce que tu aurais envie de faire ça sur un format plus long, quid d'un 26 minutes ou d'un film, quelque chose comme ça? Je suis en train de travailler dessus. Trop bien. Je te le dis, Kian. Je suis en train d'écrire. J'ai évidemment très très envie de passer à des formats plus longs. Ouais. Et là, je suis en train d'essayer d'écrire une série, un format. Pour l'instant, je ne sais pas quelle durée, mais en tout cas, des épisodes où je peux vraiment développer une histoire, etc. Et donc, oui, la réponse est oui. Il y a des envies. Et tu joues et tu réalises. Tu joues et tu réalises encore. Ouais, bien sûr. En fait, avec la voix off, toujours Non. Enfin, là, en tout cas, sur ce que je suis en train d'écrire, il n'y a pas de voix off. Pour l'instant, il n'y en a pas, en tout cas. Et en fait, j'aime bien toutes ces étapes. Je crois que j'aime vraiment chaque étape du truc, que ce soit écrire, réaliser, et le jeu, et même le montage après, enfin tout le suivi du truc, le fait de voir le projet de A à Z, c'est un truc qui me plaît vraiment. Donc oui, j'aimerais jouer dedans aussi, parce que sinon personne ne me donne des rôles. Bah non, c'est ça, c'est souvent ça, hein, malheureusement, faut d'abord. Mais non, mais blague à part, en plus j'aimerais jouer dedans, mais ça se trouve je jouerai pas dedans, ça se trouve c'est pas une condition sine qua non. Mais en même temps, quand t'avais fait Replay, l'émission de Cône où les programmes courts se mélangeaient, tu dirigeais quelqu'un d'autre dans Cher Journal, c'est une expérience que t'as kiffé? Ah ouais j'ai c'était adoré. Avec Alice Belaïdi. Ouais. Non mais ça c'est bon, après c'est une toute petite expérience, oui, mais c'est cool. J'ai pas la prétention de dire j'ai réalisé des trucs, j'ai dirigé tel. J'ai Marina Foyce, pardon. Non, mais en tout cas, l'expérience, t'as donné envie. T'aimes diriger d'autres comédiens, c'est ça? Ah oui. Te la raconte pas, par contre. Ça y est, prends la liberté. Qui va se savoir en 10 secondes, en 10 jours. Il suffit de lâcher un peu. Et une question un peu pour tout le monde autour de la table qui est en lien avec Jonathan. Parce que Jonathan, tu as joué un peu dans le Saturday Night Live français, est-ce que tu avais fait Samedi Soir en direct avec KDO? Ah, oui. Est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est peut-être un des rares trucs qu'Adrien, Anna ou toi, Kian, ou même moi d'ailleurs, on n'a jamais fait, à savoir du direct, des sketchs en direct. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous exciter, ou est-ce que c'est très flippant? Toi, Adrien, par exemple, qui fait beaucoup de sketchs, ouais, est-ce que c'est en ce moment, ouais. Est-ce que c'est, oui, est-ce que tu bosses sur le sketch show de Mister V? Ouais, les deux prochaines. Voilà. Ouais. Est-ce que toi tu pourrais faire déjà, est-ce que des sketchs sur scène, est-ce que c'est un truc qui pourrait te plaire? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Et après, du coup, en fait, est-ce qu'il y a une grosse différence vraiment une fois que tu fais un truc sur scène que ce soit en direct en plus? Bah, il y a plus de gens qui regardent, quoi, du coup. Ouais, mais encore que sur Canal. Moi, en vrai, je pense que ce serait la plus grosse étape, ce serait de le faire devant un public. Oui. Plus parce que bon, tu vois, en fait, je pense que quand on a commencé sur Internet, t'es un peu désensibilisé au fait que plein de gens vont voir le truc. Oui. Donc ça a cet avantage-là, mais ouais, je pense que ça pourrait être marrant. C'est marrant parce que je regardais justement le SNL récemment et je me disais, ah, ça doit être une mécanique différente, puis une réaction. Enfin, le public justement dans ses attentes, il doit être un peu plus. Il doit aimer les accidents, les trucs comme ça. Oui, voilà, puis un peu plus. Je vais dire bienveillant parce que je trouve pas le mot que je veux dire, mais il y a un côté genre ils vont rire plus facilement, parce que un rire qui va être peut-être plus encourageant, parce que ils savent que c'est en direct et que c'est hyper galère, quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc ouais, ça doit être intéressant, mais bon, on va continuer les sketchs à la télé déjà. Et toi, Kian, c'est un truc qui pourrait te plaire? Ah, me regarde pas comme ça, par contre. Non, non, mais je réfléchissais à ce que tu disais, mais bien préparé alors, parce que vraiment, je vois pas en quoi le direct apporte quelque chose. J'arrive pas à me dire, c'est parce que c'est en direct que s'il y a un truc. Ah ouais, bah tes spectacles, fais-les sur internet alors, si c'est pareil. Putain de merde. Je l'ai fait. On parlait super mal. Mais il me regarde. Mais c'est toi, c'est de pas dans les yeux. Bah merde, je regarde son. Je suis un chien de la SPA. Sa vision est basée sur le mouvement. Donc fais attention. Il se déplace en troupeau. Bah voilà. Non, je vois pas le côté direct, je comprends pas. Peut-être non, mais le délire du stand-up du début. Le stand-up du début, ouais, je le kiffe, tu vois, le côté genre on parle aux gens devant un public pour rigoler. le côté un peu théâtre, je trouve ça. Il y a des sketchs de Gad et Olivier Barou avec L'argent en masse. Ouais, tu vois, samedi soir en direct, qui sont cultes et tout. Et je vois le délire de dire, je comprends, mais j'ai jamais trop goûté à ça, à la télé en direct. Je connais pas trop. Bah, et toi, ça a juste tendance à m'effrayer, donc c'est plus Jonathan qui nous dira. Ouais, parce que toi, t'avais déjà un peu l'expérience de la grosse émission, qui est encore pire, je trouve. Ah bah oui, c'était vraiment ça, ouais. Ouais. Mais ça, c'était vraiment. Je pense que là, pour le coup, ça participait beaucoup au. Comme tu disais, c'était une autre écriture. C'est-à-dire qu'on se permet des choses, effectivement, où parfois on se dit ça va nous faire rire, donc ça va faire rire. Et puis il faut surtout savoir que comédie, à part les 26 personnes qu'on avait dans la salle, l'audience, on l'avait une fois par an. D'accord. Voilà, donc je sais pas si vous imaginez. Donc on ne savait pas si on était regardé, on ne savait pas si ça marchait. Et on regardait. Mais non, mais c'est 10 ans après que je me suis rendu compte que, même avec Cad, quand on a tourné la dernièrement ensemble dans Le Flambeau, on se dit, mais c'est fou, à l'époque de comédie, on ne savait pas qu'on était regardé. Ouais. On ne savait pas, on avait les chiffres une fois par an, on faisait nos conneries. Il y avait une nana qui s'occupait du public, elle était obligée de sortir dans la rue, d'arrêter des gens, leur dire, excusez-moi, on tourne une émission, est-ce qu'on manque de public, est-ce que vous voulez venir? Ah ouais. Des soirs, il y avait 12 personnes. Putain. Le réalisateur, il faisait quelques plans d'amorce avec les trois têtes qu'il y avait pour faire croire qu'il y avait du public. Donc il fallait faire rire les gens qui étaient dans la salle, parce que c'était ça pour nous l'étalon, enfin, pour savoir si ça fonctionnait sur un public, si tant est qu'il y en avait un, quoi. Mais voilà, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est deux écritures radicalement différentes. Ouais. Vraiment. Parce qu'en plus, la grosse émission, comme tu dis, c'était des jeux et vous participiez avec des gens du public. Enfin, il y avait quand même beaucoup de trucs où vous saviez bien pas sûr, trop. Ouais. Ouais, et puis dépendant de l'invité. Et puis, c'est très difficile de compter sur même des effets de son, des machins, tout ça. Parce que ça, dès lors qu'on rentre dans la production, c'est vraiment c'est une écriture différente. Et à tester, en tout cas. À tester une fois. Ouais, de fou. Et samedi soir en direct, par exemple, c'est quand même beaucoup plus gros. C'était un truc un peu plus. Ah oui, c'était comme dit, avec plus de monde et plus d'argent. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'était plus travaillé. Comment ça se faisait? Parce que, avec les guests, par exemple, est-ce qu'il y avait un travail en amont d'écriture? Là, c'était vraiment beaucoup plus encadré, beaucoup plus. Nous, à l'époque de comédie, on avait un bout de bureau, on écrivait nos vannes pour le soir, on allait dans le local à perruques et aux costumes. Et puis on se disait, tiens, ça me donne une idée. Oui. Tiens, je vois, il y a un Lego qui traîne, ou là, il y a n'importe quoi. Enfin, oui, c'est la phrase de Cad Merad, c'était une perruque un sketch. Ouais, c'est exactement ça. Et là, effectivement, il y avait des auteurs, des poules d'auteurs, il y avait un échange avec les guests. C'était un autre. Il y a beaucoup de sketchs cultes qui ont quand même sorti de cette émission. Les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient que c'était dans Samedi Soir en direct, mais il y a des sketchs qui ont vraiment existé. Ouais. Tu parlais de celui avec Le Mercier, avec la partouze. Qui veut gagner de l'argent en masse. Oui, c'était celui dont tu parlais. Moi, je suis en tête, c'était la partouze avec Le Mercier. Tu sais qu'en changeant 5 lettres à coca, ça fait chatte. Oui. Chers amis, je vais bientôt devoir vous laisser partir. En plus, vous jouez au théâtre ce soir. Je vous ai demandé des recommandations culturelles. Alors, c'est pas forcément des trucs récents, c'est des trucs qui juste vous plaisent et que vous avez envie de partager avec les auditeurs. Anna. Je sais pas si c'est culturel. Ouais, on s'en fout, c'est vraiment très large. Mais donc, j'étais à New York le mois dernier et. Comment t'y allais? C'était bien, c'était cool. Je rentrais en avion. Je sais pas s'il y a des fans de Friends dans les auditeurs du Floatcast, j'imagine que oui. J'ai fait un truc qui était génial, ça s'appelle Friends Experience. Et en fait, c'est un endroit, c'est pas un pop-up machin, c'est vraiment installé, tu peux y aller toute l'année, tu prends tes places à l'avance et tout. Et ils ont recréé les décors du set de Friends et c'est hyper bien fait. Pour les personnes. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu peux prendre des photos et tout. Si tu vas à un créneau, il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment cool. Tu peux regarder, t'attarder sur les détails et tout. Mais il y a aussi plein de props, de vrais trucs qui ont servi sur le tournage de Friends et qui sont ultra cultes. Genre les vœux de mariage de Monica à Chandler ou ce genre de choses. Et c'est le vrai accessoire qui a servi sur le tournage. Et ça, c'est vraiment... Je recommande s'il y a des... Ouais, les gens qui ça, aiment ça. Justement, on parlait du SNL, ils avaient fait ça avec Saturday Night Live aussi, où tu pouvais aller dans les décors qu'ils avaient recréés. C'est trop bien, ça, c'est trop cool. C'est trop, trop bien. Bon, donc trop voilà. Cool. Tu ne recommandes pas Air France, par contre. Je recommande un peu moins. Je suis en vie, je recommande Air France. Oui, voilà, je recommande moins le SAV. Le SAV, laisse à désirer. T'es sympa. Kian On parlait d'une pièce hier, ça s'appelle On purge bébé, et il y a une version de. Jean Poiret, Michel Serrault et Jacqueline Maillan, qui sont trois mythes des acteurs et actrices qui sont exceptionnels, et je crois qu'on en a retrouvé une sur YouTube, on peut la retrouver, mais elle est un peu screamer, un peu en mode moche avec tu vois, sinon on se fait striker. Mais on en parlait, c'est du Fedo pour moi, c'est un des auteurs comiques, je crois que c'est une grosse inspiration même pour Bref, parce qu'il a, il a la mécanique totale comique qui revient dans ses pièces. Et je me rappelle de cette pièce, on en parlait hier avant de monter sur scène, ouais. Et c'est bluffant. Et je l'ai revu, du coup, et je me suis trouvé ça génial. Et quand j'étais un jeune acteur, je regardais ça, je dis la liberté, le ton qu'ils prennent, parce que Fedo, c'est très, très, très structuré. Et ils arrivent à garder l'humeur en réinventant des choses. Et c'est un hymne à la liberté, un peu au cabotinage de temps en temps, mais ça en devient très, très drôle et très fort. Deuxième chose. Alors, juste peut-être là où on peut le trouver en meilleure qualité, mais tu vas peut-être pas être fou de être ravi. Sur le site de Lina, qui le propose. si vous payez Lina, il y a un abonnement par mois. Mais il y a un code promo, c'est Kian Coupe de Veuche. Cela dit, ce serait sympa de leur part. ce serait quand même la moindre des choses. J'avoue, ça serait sympa qu'ils le fassent. 2022. Non, mais voilà, c'est sur le site de Lina, tu peux voir en pioche bébé 57 minutes. Et voilà. Et c'est tourné vraiment un peu à l'arrache et tout. Tu sens que c'est pas. Tu vois, ils ont pas beaucoup de moyens, mais ils le font, il y a que de l'acteur qui joue de ouf. Trop bien. L'album d'Izia, La Vitesse, qui sort là bientôt, j'ai eu la chance de l'écouter et c'est une pure tuerie. Trop bien. Ouais, top. Trop bien, c'est dans la vague d'ailleurs, de celui d'avant. Exactement. Ouais, okay. C'est très pop. Très bien, super. Et donc voilà. Ouais. Ok, ça sort vendredi, ça, l'album de Izia, je crois que c'est cette semaine, peut-être celle d'après. 3 juin, je crois. Ah oui, non, un peu plus longtemps. Ok, d'accord, trop bien. Je crois. Oh, bah, trop bien. Jonathan ? Alors moi, c'est un livre que je lis en ce moment de Joris Kramphol, qui est un mathématicien du 17e. Non, je plaisante. Kramphol, j'ai passé après avec mes trucs de merde. Non. Alors c'est un jeu sur l'iPhone. Je me suis trompé d'émission, excusez-moi. Non. Je suis un petit peu en boucle sur Tyler the Creator. À chaque fois qu'on me demande de citer un truc, je suis tellement fan de ce personnage, du personnage, parce que c'est pas que sa musique, c'est ses clips, c'est fringues, c'est le personnage qui véhicule. Voilà, je c'est un peu le, mais ça fait rire. Un mathématicien du 17e siècle, tu m'as tué. Tyler the Creator, qui est un des meilleurs invités du Eric André Show. Alors, je sais pas si tu connais le Eric André Show, Jonathan, mais ça peut te plaire. Peut-être c'est une porte d'entrée pour le Eric André Show. Tu regarderas celui avec Tyler the Creator. J'aime bien déjà Eric André Show. Et Adult Swim aussi. C'est un gars d'Adult Swim, Eric André. Bah oui, bien sûr. Parlons d'Adult Swim, je fais une parenthèse. On est d'accord que c'était sur MyCanal, Adult Swim, une époque. Ça y est plus, moi. C'est sur Molotov maintenant. Tu dois payer. Molotov, c'est genre. T'énerve pas. Ça revient, c'est le complot. Non, mais je savais pas que Molotov c'était. Je pensais que c'était illégal en fait, moi, Molotov. Non, ils sont maintenant légaux. Peut-être avec les cocktails Molotov. Tu vois, pas le droit. Ok, d'accord. Je crois qu'ils sont beaucoup moins légaux. Et juste une deuxième petite indication. Ça ne mange d'aucun pain. Il n'y a aucun canard. Non, c'est l'exposition de Nick Doyle à la Galerie Perrotin, parce que je fais beaucoup de trucs avec la Galerie Perrotin. Et c'est un artiste très très pop, mais c'est assez génial parce qu'il travaille que avec la matière du denim, du jean. Et il fait donc des pièces, ça mérite vraiment le coup d'œil et il faut s'approcher pour voir tout le travail hyper artisanal, hyper minutieux de ce qu'il fait. C'est vraiment une expo à voir en ce moment. Bon, trop cool. Et toi, Adrien ? Alors, bon, moi, j'ai revu un film c'est Three Billboards, le film Three Billboards. Ah ouais, putain, génial. Je l'ai revu et j'avais oublié à quel point il était génial ce film. Je l'ai pas vu. Je vais regarder. Franchement, je crois qu'il est sur Disney Plus, je crois en plus. Ou Canal, je sais plus. Enfin, il est sur un. Sur ma Canal, il y est. D'accord. Non, sur Molotov, du coup. Molotov aussi, sûrement. Non, vraiment, voilà, juste regardez ce film, il est vraiment super. Je me suis enfin mis à écouter un podcast dont j'entends parler depuis hyper longtemps, qui est Le Cœur sur la Table, qui est un podcast de Victoire Tuaillon, qui est un nom assez difficile à dire, mais un super podcast. En fait, ça parle des relations amoureuses et qui essaie un peu de déconstruire des trucs un peu dans lesquels on est enfermé vis-à-vis de ça et tout. C'est vachement intéressant. Et du coup, elle a un autre podcast que j'ai pas beaucoup écouté qui s'appelle Les couilles sur la table, qui parle de masculinité, etc. Et j'ai juste écouté, il y a une série de 4 épisodes avec Virginie Despentes, des entretiens, qui sont vraiment hyper bien, hyper intéressants. Donc voilà, c'est ça mes recos semaine. Trop cool. Et bien pour ma part, il y a un chanteur qui est décédé il y a pas très longtemps, Arnaud, la semaine dernière. Et moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, qui est un super auteur, un super chanteur. Et voilà, je me dis que si vous pouvez jeter une oreille à ce qu'il fait, moi, il y a des albums que je vous conseille. Je pense que le plus facile d'accès, c'est À Poil Commercial, mais dans À la Française. J'ai cru que c'était le titre. Ouais. Moi, c'était à poil commercial. Aussi, à poil commercial. C'est pas le titre, c'est le titre de l'album. C'est le titre de l'album. À poil commercial. Oui, c'est à poil commercial. Oui, non, c'est le titre de l'album. Okay, c'est un poil commercial. Oui, moi aussi, non, alors, c'est à poil commercial. Tu te fous de notre gueule, quoi. J'en ai marre, là, putain. Mais vous êtes ligués. Il vient de décéder. C'est incroyable. Bordel. Mais alors. Mais non, mais. T'es de mauvaise humeur. Moi, je pensais vraiment que tu disais c'est un poil commercial. Ouais, aussi, tout, quand Polanski va mourir, tu vas dire ah super. Non, ça n'a rien à voir. On le respecte quand même, il est mort. Merde. Arnaud n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que il tu n'a dis Il n'a rien fait de mal. En plus, j'aime beaucoup Arnaud. Non, ça s'appelle à poil commercial, mais il y a aussi à la française. Non, non, non, à poil commercial. Écoute, plan, tu bêtes notre ton. Mais c'est Underground plutôt quand même. C'est pas. Et l'album Idiot Savant aussi qui est vachement bien. Wow. Et voilà. Bref. On lui a rendu un bien bel hommage en tout cas. Et non, je vous invite. Je vous invite. Il a parlé de mon père mort au début. J'ai foutu la gueule de la mort de mon rep. Donc là, on dit rien. Arnaud, mon père écoute, était pas connu. Il était alcoolo aussi, mais. Enfin, c'est incroyable. Arnaud était pas trop d'alcool. Hein, non, je crois pas. Je crois que c'était assez discret. Cas, il était enroué souvent. Très enroué. Ouais. Il l'a toléré mal en tout cas. Ouais, c'est ça, ça passait pas très bien. Et dans le film, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. C'est toi qui dis ça ou non, c'est le titre du film? C'est toujours. Tu rêves pas, t'as jamais rêvé d'être un gangster? Non, okay, j'ai toujours rêvé d'être d'autres choses, mais pas gangster. J'ai du mal à. C'est un David Lynch, ce podcast. Et j'ai toujours rêvé d'être un gangster de Samuel Benchetri. Et il a une. C'est une série de courts-métrages. Ah, bien sûr, il joue dedans. Et voilà, il joue dedans avec Alain Bashung. Où ils jouent tous les deux d'ailleurs leur propre rôle et c'est un film qui de base qui leur propre rôle, c'est le nom du personnage. Non, ils jouent Arnaud et Alain Bashung. Ah, il paraît que j'ai pas vu, mais paraît que cette scène est mythique. C'est génial. Bon, en fait, il a un peu repris, mais de son propre aveu. Je crois que c'est dans Coffee and Cigarettes ou avec Iggy Pop et Lou Reed, je crois. Ouais. Et donc il l'a refait un peu à sa sauce avec Arnaud et Alain Bashung. Mais tout le film est bien. Il y a Edouard Baird, il y a Jean Rochefort, il y a Anna Mugladis, je crois. Enfin voilà, il y a plein de gens super, donc j'ai toujours rêvé d'être un concert de Samuel Benchetrit. Et puis en règle générale, les films de Samuel Benchetrit sont toujours très cool, donc voilà. J'aimerais juste apporter un petit coup de projecteur. Je t'en supplie. Allez découvrir un mec qui s'appelle Kémil le comique, c'est sur sa chaîne YouTube. C'est un mec qui crée des concepts autour du stand-up. J'ai rarement vu un mec aussi créatif. D'accord. Voilà, il a 21 ans. Comment s'appelle-t-il? Kémil le comique. K-E-M-I-L ou pas? Ouais, du tout le comique, okay. Ouais. Ok. Allez le voir, c'est brillant. C'est sur YouTube. Ouais, il a fait un documentaire. Il est venu à Paris pour faire du stand-up. Il a fait un documentaire, comme ça, il l'a filmé. Après, il a fait un spectacle de stand-up et il mélange spectacle de stand-up et documentaire en même temps. Ce qui t'a fait, il a inventé un concept de spectacle avec un documentaire en même temps. C'est brillant. Cool. Il a fait un clip de stand-up aussi et il est vraiment à surveiller. Le nom me dit quelque chose. Je crois que j'ai dû voir passer un truc. C'est possible. De lui, et une petite pas note. Très intéressant mon intervention. je dois dire que j'étais très circonspect, mais je me suis dit c'est trop tard. Il est lancé. Je voyais que ça allait vers une banalité, ça restera. Mais voilà. Non, une énorme banalité. Après, justement, ça donne de l'épaisseur au reste. Hein, je pense c'est ça. Après, on a besoin de. Il y a eu toute la période des questions où j'ai vraiment pas parlé pendant 45 minutes. Donc là, j'essaye, tu vois, de dire un peu des trucs, mais voilà, en vain, quoi. Malheureusement. Non, mais. On l'a retourné, on en a réussi à en faire un truc drôle. Et ça, c'est ça la poilade. Et aussi, quand je parlais du SNL, c'était indulgent l'adjectif que je cherchais. Mais ça, vous remettez ça dans votre tête dans l'ordre après. Hein, c'est un puzzle. On vous balance ça pêle-mêle. Hein. Et les gens demandent quand même aussi une petite note sur l'émulation de Rivenzy. Exceptionnel. Salut. Il super bien. Bah, moi, là, c'est fait... plus facile pour toi. Vu que c'est mais j'ai trouvé ça brillant. Bon, très bien. Brillant. D'ailleurs, je lui ai écrit, j'ai fait, ah mec, je me suis entendu. Très bien. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun? Donc, Anna. Chez moi. Déjà. Sur la chaîne Canal Plus. Sur la chaîne Canal Plus. Canal Plus. Sur Instagram. Sûr. Et puis après, j'espère bientôt ailleurs, mais voilà. Pour l'instant, sur mon Insta. Avec la série, bien sûr. Demain, mieux, peut-être. Peut-être un jour que qui sait, on sait pas. Qui sait, c'est peut-être cool. Voilà. Ceux qui m'aiment prendront l'avion. Kian, on fait nos trois dernières au théâtre cette semaine. Donc, du coup, jeudi, vendredi, samedi avec Jonathan. Vous êtes à Paris, à la Scala. Ouais, Paris, à la Scala. Très belle salle, la Scala. Hein. Ouais, c'est ouais, sublime. Ouais. Je retourne en tournée dès janvier avec une bonne soirée. Je termine, voilà. Avec les Zéniths. Les Zéniths, ça va être magnifique. La captation sortira après. Il y a Hot Ones. Et puis voilà, allez écouter l'album si vous voulez. Allez streamer ça fort. Aider un bon moment qui devrait sortir. Et oui, parce que là, sans en fait, le stress, mais vu que les gens qui écoutent Flowcast écoutent aussi un bon moment, forcément, ils sont un peu, ils ont hâte parce que en plus t'as teasé 2-3 invités sur ton Insta. J'ai fait une pause parce que je pouvais plus gérer. J'avais besoin de prendre un peu de recul avec YouTube. C'est mine de rien, je comprends les YouTubeurs qui partent un peu en burn-out parce que c'est très éprouvant, mine de rien. Ouais, ouais, t'as ouais. toujours une sorte de, fou, de rush, de travail, de tu dois rendre. Et l'équipe est réduite, c'est pas une grosse équipe de télé, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est. Bon. Je comprends, c'est un métier très dur, YouTube. Mais c'est tourné, et donc ça sortira un jour. Pardon, oui, voilà. j'ai un peu épilogué. Non, mais t'as raison, c'est tourné, ça sortira un jour. Ouais. Donc, Jonathan, pareil, la pièce. Ah bah, les trois dernières avec Kian. Voilà. Et puis après, moi, je partirai en tournée avec mon spectacle. Voilà. Et je serai à Paris au mois de décembre à l'Européen. Trop bien. Et voilà, donc, tournée. Et puis le flambeau, et puis ce programme que je produis, que j'écris, qui s'appelle 5 minutes 17 sur Instagram avec la galerie Perrotin. Comme c'est une passion que j'ai pour tout ce qui est tout ce qui tourne autour de l'art moderne contemporain, c'est une façon d'un peu de vulgariser, d'approcher ça avec, je disais, avec poilade, pour reprendre les termes du 17e, autour d'un, voilà, d'un sujet qui est souvent abordé de façon un peu scolaire, un peu chiante, et voilà, on essaie de désacraliser un peu le propos. Il y a eu deux séries aussi récentes, parce qu'il y a OVNI sur Canal, qui a passé absolument. Longtemps, la saison 2, et Jeune Égolerie, qui est et sur Jeune OCS. Égolerie, oui, on tourne la saison 2 en septembre. Ouais, voilà. Ouais, génial, une série qui est sur OCS. Enfin, voilà. Je crois que ça démarre sur ma tombe, donc j'ai pas un grand rôle. Bon bah merci tout le monde en tout cas. Mais Yos, t'as une actu? Oui bah oui, pour le coup là, quand les... Attends que je dise pas de conneries. Il sort après-demain. Ce sera le 9. Oui, donc demain, si vous écoutez le jour même, la Visitor saison 2 qui sort. Ah mais oui, ça y est, mais bien sûr. Mon pauvre ami. Bah je suis un pauvre. Bah ouais, t'es bien moins pauvre que moi. Mais, mais voilà, et puis toujours Derby Girl saison 2 sur France TV slash. Tout à fait. Voilà. J'arbore des shorts. Non, bon, moi, ouais, j'ai écrit deux sketchs, peut-être deux, ou un en tout cas sketch pour MST, le show de Mister V. Oui, ça s'appelle MST. Ah, j'aime beaucoup. Moyennement sûr du titre. Tu vois. Et voilà, et puis Floodcast qui continue, et puis non, je sais plus. BD, est-ce qu'on fera la suite de. Qui pourrait s'appeler J'ai 3 bits. J'ai 3 bits, bah, on pourrait, écoute. Mais oui, c'est toujours sur YouTube. C'est toujours non, sur YouTube ce sketch. Putain, j'allais redire une saloperie comme tout à l'heure. Non, je l'ai revu il y a pas longtemps ce sketch, c'était très marrant. Ah bah voilà, non, mais moi il y a un compliment, tu vois, donc moi ça me fait très plaisir quand même. Ah là, il y avait aussi un compliment, mais. Non, il y avait pas. C'était vraiment de la merde tout à l'heure ce que j'ai dit. Non, c'est. Je retire. Bon bah merci tout le monde en tout cas. Merci. Au revoir tout le monde, salut. Allez, ciao, bye. Bisous. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.